C'était Kate de Luna sur Fun Radio. Bonjour tout le monde, content de vous retrouver ce matin. C'est vendredi et ça, c'est la bonne nouvelle. Mais oui, ah surtout oui. Pour Toff qui est un petit peu au bout de sa vie. Un petit peu, ouais, parce que. Il est un peu presque décédé là. Enfin, la journée d'hier a été très longue. Bah, c'est-à-dire que si monsieur fait la fête, bah oui, c'est ça, et monsieur va au carré avec Shaggy, il se plaint. Je viens de là. D'ailleurs, on aura l'interview de Shaggy aussi la semaine prochaine avec Sarah et Champagne. Souvenez-vous de la chanson Sarah, très belle. Hein. Bon, enfin bon, on en parlera évidemment, Toff l'a vu hier soir, etc. Petite robe bleue, fort sympathique. Oh là là, t'as fait les photos. Non, j'ai filmé. Ah, bah c'est encore mieux, c'est parfait. Bon, 6h25 ce matin, Julie va bien ? Je vais très très bien. Bon, bah tant mieux, il y a également Toff qui est là aussi, donc lui va moins bien par contre. Je vais mourir en fait, j'ai pris froid. C'est-à-dire que là, j'ai l'impression qu'il fait moins 15 dans le studio. Mais il fait pas très chaud, cela dit, au passage. Il fait pas super chaud. Ouais, moi, je suis pas super chaud. Et toi, Mickaël, comment ça va ? Eh bah écoute, ça va, vendredi, c'est cool. Hein, ça va. T-shirt, il fait pas très chaud dans le studio. Ouais, oui, non, mais moi j'ai un pull et j'ai un pull. Moi j'ai vraiment 4 couches et un foulard, mais bon, ça vous êtes habitué. Ah non, mais en même temps, moi je suis toujours en t-shirt. Été comme hiver, moins 10 comme plus 30, c'est pareil. Hein. En fait, c'est la seule chose qui lui va. Donc ouais, il non, c'est pas ça. C'est la seule chose que j'aime bien mettre, c'est léger, c'est tranquille, c'est pépère. Okay. Bon, alors, pas mal de choses aujourd'hui pour la dernière de la semaine. Alors, déjà, évidemment, les petites devinettes qui collent, ce sera dans un instant pour repartir avec les écrans plats comme d'habitude. On aura bien sûr la ligne anti-relou, ça, ce sera d'ici un gros quart d'heure. Et puis, bien sûr, nous rembourserons, comme chaque matin, vos factures. Hier, on a fait un sans faute, on a réussi à rembourser toutes les factures et ça fait plaisir. On est quasiment à 2000 euros de remboursé depuis le début de l'émission, donc c'est plutôt de bonnes nouvelles. Aujourd'hui, c'est pas sur mon compte par contre. Non, bah sur ton compte non. Mais donc du coup aujourd'hui, bah, j'espère qu'on va faire pareil, qu'on va pouvoir faire un sans faute, un 3 sur 3. Si vous voulez vous inscrire, bah faites-le dès maintenant si vous le souhaitez. 6322 par SMS, vous débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est dans toute simplicité et on vous appelle dans une grosse demi-heure. Il y a l'info de Julie aussi qui arrivera toutes les demi-heures avec des mauvaises nouvelles, hein, comme d'habitude ou pas? Bah écoute, ça va encore quoi. Bon d'accord, ok, très bien. Bon, on fera ça d'ici quelques instants. Et puis toi, va faire chier le monde. On va faire chier le monde où ça et quand alors? Alors où ça? Quand, je peux te le dire, mais je ne sais pas encore. Je sais pas encore où on va aller, mais par contre je sais pourquoi on va y aller. D'accord, et pourquoi? Pour un truc qui m'a choqué, je vous expliquerai tout à l'heure. C'est sur ce à quoi pensent les hommes. D'accord, ok, très bien. Bon, eh ben écoute, on en parlera en tout cas tout à l'heure. Bah oui. Et puis je vous rappelle aussi qu'il y a toujours les places pour le parc Astérix. C'est dès que vous entendez ceci. Eh bien, dès que vous entendez ça sur Fun Radio, il faut faire le 6322 avec le code Astérix et vos coordonnées complètes. Et attention, ce matin, je vous mets les 4 places avec le VIP et la visite avec Quentin Mossiman. Grand seigneur. Oui, ce matin, j'ai décidé de faire péter tout ça. Voilà, donc ce sera ce matin avant 9h30. Restez bien à l'écoute de Fun Radio. Et puis bon courage si vous allez bosser, bien évidemment. Alors attention, j'ai la petite devinette qui colle ce matin. J'ai pas été chercher très loin non plus. Mais bon, quelle est la principale cause de divorce? Si vous avez la bonne réponse, 6322 également, vous mettez bah, la réponse tout simplement avec, avec votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler si vous avez la bonne réponse. Donc, hein. Je rappelle que ceci est une blague. C'est pas une étude qui a été faite. Ah oui, bien sûr. Les résultats, c'est une blague. C'est une devinette drôle, voilà, c'est voilà. Ça. Donc effectivement, ça ne vient pas d'une étude ou un truc comme ça. Sinon, tu vas avoir des trucs, sérieux, qui bon. Ne c'est pas le cas. Quelle est la principale cause de divorce? Si vous avez la bonne réponse, cherchez vraiment pas loin. Vraiment, mais vraiment pas trop loin. Je vous donne un conseil comme ça. Ok, d'accord, promis, on n'ira pas trop loin. Voilà, non, mais c'est pour être sûr. 6322, vous débutez le message avec la réponse, tout simplement. Écran plat à gagner ce matin, écran plat, ou alors les packs Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Et on a aussi, qu'est-ce qu'on a aussi? Micro-chaîne Philips et également l'appareil photo numérique Samsung. Bref, bonne réponse au 6322, bonne chance. Dans un instant, c'est l'info avec July et le son de DJ Fresh. Comme ça, toi, tu seras encore un peu dans son délire du carré là avec DJ Fresh et tout en bon esprit quoi. Ouais, non, mais il y avait une putain d'ambiance par contre. Ah oui, bah j'imagine. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Tous les matins, entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. 6h30 sur Fun Radio. Bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio, c'est jusqu'à 9h30. Et à 6h30, c'est l'info maintenant avec Julie. Salut à tous. Conseil d'administration ce matin à la SNCB. Les syndicats craignent la suppression de 300 trains. Le groupe SNCB doit faire un gain supplémentaire de 43 millions d'euros et stabiliser sa dette. Par ailleurs, le supplément de 7 euros pour l'achat d'un billet dans le train ne sera pas appliqué tant que toutes les gares et points d'arrêt ne seront pas équipés de guichets automatiques. L'action Dexia a été suspendue hier alors que l'option d'une nationalisation de la branche belge de l'établissement en difficulté est donc fortement envisagée. À 15h54, dernier cours disponible, le titre perdait 17,24% à 0,85 euros. Dexia n'est au courant d'aucune décision quant à son avenir. Une réunion du conseil d'administration se tiendra demain pour définir l'avenir de la banque. Nouveau jet de pavé contre un bus des Tech à Courcelles hier soir, sans blesser ni le chauffeur ni les passagers. Le bus a pu s'arrêter un peu plus loin. Entre-temps, l'auteur du jet a pris la fuite. Depuis le début de la semaine dernière, une série de jets de pierre ont eu lieu contre les bus des Tech dans la région de Charleroi. Les faits survenus à Gilly et Ransard avaient été à l'origine de 2 jours de grève. Mais normalement, ce matin, le trafic des bus ne devrait pas être perturbé. Le champagne belge est en plein boom. Le marché belge du champagne a enregistré en 2010 une progression de 7,8% par rapport à 2009. La Belgique reste le 4e plus grand pays importateur de champagne après la Grande-Bretagne, les États-Unis et l'Allemagne. Et la population belge est par ailleurs la 2e plus grande consommatrice au monde, avec une moyenne d'une bouteille par citoyen par an. En Italie, Silvio Berlusconi propose un nouveau nom pour son parti, Aliminette. Le chef du gouvernement italien, dont la cote de popularité est au plus bas, a plaisanté sur le nouveau nom qu'il pourrait donner pour relancer donc son parti qui s'appelle Peuple de la Liberté. Il a donc proposé Aliminette, allusion à son goût assumé des jolies femmes. Et puis enfin en sport, ce soir, les Diables Rouges affronteront le Kazakhstan lors de l'avant-dernière journée des qualifications pour l'Euro 2012. Il faut gagner ce match. Georges Lekens a levé le voile sur sa composition d'équipe. Pour ceux qui s'y connaissent un petit peu, De Camargo jouera en pointe. En soutien, l'entraîneur a opté pour Hazard et pour une deuxième ligne composée de Simons, Wetzel, Bertens et Dembélé. Et c'était pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'ils ont tous des noms très difficiles à prononcer. Ouais, et mon casque, en fait, surtout, mon casque me fait un bruit dégueulasse dans l'oreille. Donc, toi aussi. Donc j'ai l'impression de. Voilà. Ah ouais, bizarre. Voilà, c'est plus de bruit. Cela dit, allez les dire parce qu'il y en a quand même. J'ai eu une interview d'un des joueurs qui dit oui, non, mais ce soir ça va aller. Ce soir ça va être dur. Mais mardi face à l'Allemagne, on le sent bien. Oui, je pense qu'il a confondu les deux équipes, à mon avis. Oui. Après, je ne sais pas, je ne suis pas un pro du foot, mais bon. 6h33 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. Alors je suis sorti de chez moi, il faisait 8 degrés, il pleuvait. Donc comment ça se passe aujourd'hui? Eh bien écoute, nous sommes en automne, c'est tout à fait normal. Sûr, mais... on prévoit des averses pour la journée, même des rafales de vent de 10 à 16 degrés côté température. Et puis ce week-end s'annonce la pluie. Génial. Bye. Fun Radio. Bon, 6h33 sur Fun, toujours l'info en plus. Maintenant, on va écouter DJ Fresh. Alors, les garçons, oui. si vous pouviez avoir un super pouvoir. Ah, j'aime vous parler comme ça, j'ai l'impression que j'ai un petit peu d'autorité. Tu parles. Si vous pouviez avoir un pouvoir, ce serait lequel? Un super pouvoir? Ouais, un super pouvoir. Aller dans le futur. Aller dans le futur, ouais, tof. C'est uniquement pour les chiffres de l'euro million. Hein. Qu'est-ce qu'il est? Moi, je préférerais pouvoir transformer ce que je veux en or. Ah, d'accord. En plus, avec la valeur de l'or en ce moment, j'aurais pas. Tu vois. Ok, ouais, donc tout vrai, ça parle vrai. Beaucoup de pognon. Bah, comme d'habitude, c'est bien qu'on est. Hein. Mais écoute, beaucoup aimeraient, on dit souvent, être invisible, tu vois, pour pouvoir se balader un petit peu partout et entendre ce que les gens disent. C'est pas mal aussi ça. Ouais. Eh bien, écoute, des scientifiques ont inventé un procédé permettant l'invisibilité. Ah ouais? Eh oui. Et le principe se base sur le mirage. Mmh. Donc, c'est un phénomène de réflexion de lumière, donc à cause des variations de température, et ça rend donc les courbes des courbe les trajets des rayons lumineux. Donc c'est un petit peu compliqué à comprendre, mais il faut un petit peu imaginer que le phénomène de mirage sous l'eau, c'est un peu la même chose. Donc le fait que dans l'eau on arrive à avoir son image, donc ouais. On s'est reflété, donc ça balance la lumière un peu dans tous les sens et donc ça donne un effet d'optique. Et donc ils ont, c'est pas qu'on n'est pas encore invisible, hein. Mais ils ont compris en tout cas ce mécanisme avec un changement de température, etc. Donc il y a tout un système. Et donc petit à petit ils y arrivent. Bon, c'est cool, bonne nouvelle. Ouais, bien être invisible, t'imagines un peu? Ouais, ce serait pas mal. Si on sera dans la voiture de Julie. Bah Ah, tu commences à gueuler à côté d'elle. Oh, ça pourrait être drôle. C'est ça, une crise cardiaque, accident de voiture. Mettre la porte à côté, hein, comme ça, elle sera tunée. Parce que là, il n'y a qu'un seul côté qui est pété. Je trouve toujours pas de porte. Alors, soit il faut réparer, imagine. Soit il faut faire le deuxième côté aussi, sinon c'est pas drôle. Oui, c'est vrai, tu as raison. Mais ou alors, autant vrai. Acheter une autre bagnole. Ou alors, symétrique, quoi. Ouais, voilà, faut que ce soit symétrique. Ouais. Bon, je vous rappelle la petite devinette de ce matin, devinette qui colle. Quelle est la principale cause de divorce? J'ai dit ne pas aller chercher trop loin. Réponse, la femme. Oui, mais là, vous avez vraiment pas été chercher loin non plus. Hein. La tromperie ou le ronflement? Non, pas du tout. Les amis, c'est Karine qui avait proposé ça. Pas du tout. Plus de sexe dans le couple ou plus de sexe dans le couple, mais je pense que c'est plus. C'est une mauvaise réponse. Qu'est-ce qu'il y a aussi? L'adultère, c'est une mauvaise réponse. L'infidélité également. On a dit que c'était une devinette drôle, hein, pas une devinette scientifique. Hein. Moi, j'ai un indice. Pour jouer à l'euro, pour gagner à l'euro million, il faut y jouer. Oui, voilà, c'est ça. Oui, exactement. Oui, c'est ça, exactement. Voilà. 100% des gens qui ont gagné à l'euro million ont joué. Voilà. Et ben 100% des gens qui se séparent ont fait quelque chose également avant de se séparer. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, c'est un euro le message. Écran plat à gagner, bonne chance. Et puis on écoute DJ Fresh maintenant, c'est l'Order sur Fun Radio, 6h36. Bonne matinée. Le son de DJ Fresh sur Fun Radio à l'instant, c'était Louder. Il est 6h39. Allez, bon réveil tout le monde. C'est Fun Radio et avec le petit rappel de la petite devinette qui colle hein, ce matin. Hein. Attention, je vous la rappelle brièvement. Je vous rappelle que pour vous inscrire aussi, c'est au 6322 avec la réponse qu'il y a des écrans plats à gagner. Entre autres, quelle est la principale cause de divorce? Les enfants, c'est une mauvaise réponse. La voiture, c'est Tony qui proposait ça. C'est une mauvaise réponse également. Qu'est-ce qu'on proposait également? La femme, c'est Steven non plus. La séparation, bah par la force des choses, mais c'est pas une cause ça, c'est juste un fait. La résultante. C'est, ouais, voilà, c'est ça, exactement. Donc, si vous avez la bonne réponse, bah, Fabien Delier, j'ai la bonne réponse, entre autres, là. À cause d'Internet, non, c'est pas ça non plus. Si vous avez la bonne réponse, 63-22, bonne chance. On va parler, et on va l'écouter aussi tout à l'heure, Rihanna. Et on va en parler maintenant de Rihanna. Qu'est-ce qu'elle a fait encore, là? Eh bien, bon, elle a 23 ans, elle est millionnaire. Ah, seulement, je la voyais plus chez moi. Ah, oui, pas beaucoup, mais je la voyais plutôt dans la deuxième partie de la vingtaine, quoi. Non, c'est une petite jeunette, hein, Rihanna. Ah ouais. Gamine. 23 ans. Exactement. Elle est millionnaire, elle était en concert à Londres. Pour à l'O2 Arena, la fameuse scène. Ah ouais, à l'O2, ouais. Fameuse O2. Donc en Angleterre. Eh bien, elle fait les choses comme tout le monde cette fois. Qu'est-ce qu'elle a fait pour se rendre à son concert? C'est qu'elle a pris le métro comme tout le monde. Ah bah oui, et normal. Pour ça, et on doit en parler ça. Mais oui, parce que c'est énorme. Bah oui. Mais je sais que tout le monde en parle ce matin parce que c'est énorme justement. Oui, j'ai vu ça, ouais. Qu'elle prenne le métro parce que justement personne, aucune des stars ne prend le métro actuellement. Bah, attends. Surtout des divas prendre le métro, quelle horreur. Non, elle a pris le métro. Elle a pris le métro, mais elle a réservé le wagon complet. Pas du tout. Elle est montée dans un wagon comme tout le monde. Alors évidemment mais le wagon. Toute seule. Où il y avait 17 gardes du corps. Non, je pense pas qu'elle était super entourée de gardes du corps. Elle en avait forcément parce que dès qu'elle se balade, on en a, donc c'est pas ça. Mais non, elle est montée comme tout le monde, vraiment, dans un wagon qui a forcément été assailli. Ça c'était sûr, ouais, mais elle est restée très cool, elle a tout sourire. Oh, t'as Rihanna dans ton métro tous les jours. Hein. Elle a posé pour les photos, elle a parlé avec ses fans, elle était super cool. Donc là, elle s'est quand même redorée son image parce qu'on avait parlé d'elle peu de temps la semaine dernière. Parce qu'elle était arrivée quand même 2 ans en retard à un concert et on soupçonnait qu'elle était arrivée bourrée sur scène. Ah oui. Donc moi, je soupçonne par contre que ça c'est une opération marketing pour mais se redorer oui, un peu. Peut-être. Et en plus, elle avait été en humeur pour faire 300 mètres, imagine la pollution. Donc là, il est un petit peu temps de redorer un peu son image. Donc alors oui, tout le monde parle du fait que Rihanna était en métro, et moi je parle du fait que je pense qu'elle veut redorer son image parce qu'elle est arrivée 2 heures en retard à un concert la semaine dernière, peut-être. Et qu'elle était presque après il y a plein de trucs aussi sur la mort de Steve Jobs juste après le lancement de l'iPhone 4. On n'est pas à l'abri qu'il soit mort le malheureux depuis 2-3 jours et qu'ils aient planqué la mort, ou qu'il ait, parce qu'il était assez perché pour le faire, je suis sûr qu'il était capable de se donner, enfin pas se donner la mort, il savait que c'était fini quoi, mais de mourir, de s'arranger pour mourir un jour après le lancement. Mais ça, je pense qu'on le saura de toute façon, si c'est le cas, on le saura. Et du coup, ils ont rebaptisé l'iPhone 4S qui est sorti, enfin qui est pas sorti, mais iPhone for Steve. For S Steve. Ah bon? Bon, c'est original. Okay. J'allais dire, tu sais, parfois aussi, t'as des gens qui attendent un événement et derrière, ils meurent, tu sais, dans les 2-3 jours. Ça arrive très souvent. Bien, ouais, c'est possible, ouais, c'est vrai. Bon, enfin, on saura pas, je pense. Un bébé, hein, quelqu'un, et puis hop, après, je pense qu'on ne saura pas, mais soit. Bon, dans un instant, on va revenir avec la ligne anti-relou, évidemment. L'infotrafic aussi. Et écoutez bien, ce matin, on va vous faire péter les places pour aller au parc Astérix en VIP. 4 places pour aller en VIP avec Quentin Moziman en accompagnateur, ce qui est plutôt mon plan. C'est à gagner d'ici quelques instants, dès que vous entendrez les deux petites trompettes. Et en attendant, on va s'écouter Likili. Likili, c'est I Follow River sur Fun Radio. Ça va arriver dans quelques instants. Restez bien ici. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 6h46 et on fait un tour du côté de l'infotrafic. Que se passe-t-il sur les routes, Julie? Prudence, accident sur le ring intérieur de Bruxelles, là autour de Vilvoorde, en direction de Zaventem. La bande de gauche est obstruée, la circulation est déjà bien ralentie à cet endroit. Et puis accident sur la 12 Anvers, en direction de Bruxelles, là autour de Arcelaar. Et c'est la bande de gauche qui est également obstruée et on nous signale des fils. Très bien, donc faites gaffe si vous êtes sur la route et si vous êtes témoin d'un problème, comme d'habitude, vous connaissez le système maintenant. 30-44 par SMS si vous êtes témoin d'un problème sur la route, un embouteillage, un accident, un flash qui serait éventuellement dans le coin là, bah n'hésitez pas, 30-44 par SMS pour le signaler aux autres auditeurs de Fun Radio ou alors sur mon mail si vous avez un petit smartphone, mikl@funradio.be. Allez, la ligne anti-relou, c'est maintenant sur Fun. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0-473-86-00-13. Fun Radio. Et nous allons passer maintenant à la ligne anti-relou. La ligne anti-relou, c'est chaque matin sur Fun Radio à 7h15, 8h15 et 9h15. Et on écoute maintenant les meilleurs messages laissés sur cette ligne anti-relou. Écoutons le premier. Ouais, Alicia, c'est Diego ici. Ça va quoi, tu vas bien toi. Y a pas de problème quoi, t'as pas oublié quelque chose quoi. Enfin, ça fait légèrement 1h30 que je t'attends. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Hein, je viens pas, je vais savoir où tu dors et je vais aller bouffer des cracottes dans ton lit. Et puis après, une fois que j'ai bouffé les cracottes, je me barre. Tu vas voir la merde. Ah ouais, dis donc, on a peur là. Oh là là, le supplice de la cracotte. Ah ouais, le mec il va venir bouffer des cracottes, merde. Oh putain, pourquoi j'ai pas été au rendez-vous? Oh mon dieu, ma vie est foutue. Oui. Je vais mourir dans d'atroces cracottes. Le mec est complètement con. Qu'est-ce qu'il est con celui-là alors? Enfin bon. Allez, deuxième message maintenant, laissé sur les dents relou. Bonsoir bébé, j'aimerais bien te connaître. Bon, vous avez mon numéro de téléphone si vous voulez me pipi ou me téléphoner. Je suis à votre service. Bye. Là, franchement, faut avoir envie parce que même si le mec peut éventuellement avoir l'air intéressant, c'est une image bien sûr, faut quand même vouloir appeler le mec et avoir un mal de crâne avec son téléphone pourri. C'est-à-dire qu'on a rien compris de ce qu'il a dit, ou quasiment rien compris. Sinon, il a dit oui, j'aimerais bien qu'on te voit, que j'adore et que j'aimerais qu'on se voit. Et les mecs comme ça vraiment, hein, qui ont deux tensions. Et comme ça, on pourra participer à un suicide collectif. Ah oui, ça peut être bien ça. Moi, je fais partie d'une secte. Oh, dis, avec quoi, tes bruitages là, horrible. Bah, ça n'a rien à voir, c'est un beau bruit de balle. Bah oui, un beau bruit de balle. C'est un beau bruit de tir. Rien de plus beau. Hein. Bah oui, mais c'est beau. D'ailleurs, demain, le paintball, tu vas voir ça, comment ça va se passer. Hop là, oh, dis. Bah quoi. Bon, alors attention, dernier message maintenant et on écoute. Oui, c'était Jean-Pierre. Écoute, j'aurais bien voulu qu'on se voie, mais tu m'avais dit d'être attendre devant le café de la gare. Ça fait 1h30 que j'y suis, je t'attends, je fais déjà mon 5e café, donc je commence à te faire un peu d'effort. Est-ce que tu crois que on pourra se voir un jour quand même? Parce que, bon, comment ça? Si j'avais pris des tisanes, ça l'aurait détendu. Bah oui, ça commence à hyper patience, malheureux. Hein. Ça commence à être difficile. Bah, hein. C'est ça, hyper patience. Bon, enfin bref, retour de la nuit anti-relou, c'est dans une heure. Et puis surtout, bah, retenez bien le numéro, car nous sommes le vendredi. Et le vendredi et le samedi soir, la ligne anti-relou marche très bien. Donc retenez bien le numéro 0473 86 0013. C'est donc le numéro à retenir et à donner surtout aux relous qui vont venir vous croiser. T'as reçu le numéro, toi, t'as fier au carré ou pas? Non, mais par contre, qu'est-ce qu'il y avait de la bonne meuf au carré? Ah ouais, oh mais c'est là au carré. Là ouais. Là ça laisse rêveur. Oh là là là là. Ça laisse rêveur, hein. Ah ouais ouais. Et puis tu vois que tu sais, le jeudi en fait, tu vois que c'est des gens qui ont quand même de l'argent, qui peuvent se permettre, tu vois, de prendre une demi-journée de congé demain, voire enfin ce matin ou toute la journée. Parce que enfin voilà, tu vois que les fringues c'est des trucs bien chers. Ah ouais. Ah c'est ça qui t'intéresse en fait. Ah oui, bien sûr. Bah, si en plus la fille elle est jolie et qu'en plus elle est bien sapée. Ne dis pas ça à Mickaël, il va courir maintenant aller chercher une fille pleine de thunes. Ah ouais, bah là, enfin tu sais, tu le vois la gueule des voitures sur le parking. Ah oui, bah, oui, ouais, okay. Mais ça c'est clair, hein, ça c'est clair. Ouais. Bon, 6h50 sur Fun Radio, bonne matinée tout le monde. Je vous rappelle une dernière fois la petite devinette qui colle avant de donner la réponse et de vous filer eh bien vos cadeaux, hein, écran plat, et il y a également les packs Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Quelle est la principale cause de divorce? La bonne réponse, Ali. 6322, il y a Elena d'Arcimon qui disait les paix, non pas du tout, ça n'a rien à voir. Le fait d'être cocu, non, le sexe non plus. Le mari n'a plus de sous. Vous avez vu que vous êtes vénales, hein, les filles. Hein. Roxane qui dit l'argent, non, c'est pas ça non plus. Facebook non plus. Bon, la bonne réponse, 6322. Et comme on l'a dit tout à l'heure, pour gagner l'euro million, il faut avoir joué. Et pour pouvoir divorcer, il faut aussi avoir fait quelque chose impérativement avant. C'est obligatoire. Si vous avez la réponse, 6322, 1 euro le message, bonne chance. Et on va écouter le son de Likili maintenant, tiens. Allez, petite balade. Tranquillement, pépère, à 6h51 ce matin, sous la pluie, dans le vent, dans le froid. Je pense à ceux qui nous écoutent avec un petit avec un lecteur MP3, tu veux avec la radio. Il marche, et là. Et, ouais, courage, et il fait courage. Froid, il fait froid. Le son de Kili. Ah bah oui, mais bon, ça, c'est-à-dire que l'autre, elle me parle, là. C'est-à-dire que je lui ai raconte sa vie là pour 2 heures. Voilà, comment j'ai réussi à le déstabiliser, le déconcentrer. Ah là là là là là. Bah oui, quand on parle de Romillon, Michael ne se sent plus. Ça n'a rien à voir, toi, elle nous a montré ses seins, alors forcément, elle était déconcentrée. Faut savoir que Julie est comme ça, journaliste, mais elle monte ses images juste pour. Dès qu'il y a un disque, je me déshabille, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, tu as le téton fort pointu. Ah écoute, c'est ça, un petit peu froid dans le studio ce matin. Bon les gars, réveillez-vous, arrêtez de rêver un petit peu. Non non, rêve pas, t'inquiète pas. Hein. Bon, bah, 6h56 si. Ce matin sur Fun Radio. Alors qui va avoir droit à ton petit appel ce matin, Tof? Bah en fait non, je suis tombé là sur un sondage. Alors ça m'a enfin je sais. Est-ce pas. Que tu vas t'en remettre? T'inquiète pas, ça va te faire mal au cul aussi. Hein, oui. 70% des hommes pensent à une autre femme pendant qu'ils font l'amour. Ah putain. C'est énorme. Voilà, ça m'a fait pareil quand je l'ai regardé. 70%, un truc de dingue. C'est vraiment. Ah non, ça c'est vraiment beaucoup. Ah, c'est bon ça. Bah, c'est surtout Julie qui va être déçue de savoir que son mec pense à elle. Je crois que je vais l'appeler directement dès qu'il y aura une pause. Pendant qu'ils font l'amour, quoi. Si tu veux, on peut l'appeler immédiatement en direct. Eh ben, avec plaisir. Allez, vas-y, donne le numéro. Bah, ben, parfait, si tu veux. Vas-y, allez, vas-y, donne. sur le bouton là, tu fais le numéro. Voilà, vas-y, fais-nous l'appel. Le bouton est levé là. Voilà, c'est on attend là. Alors, dites-nous si vous voulez. Julie, on l'appelle son mec en direct à l'antenne. Hein. Ah, mais c'est pas grave, on peut l'appeler dans une heure. Il sera au boulot, c'est dommage. Exceptionnellement, on peut l'appeler dans une demi-heure. Non, mais là, il sera sous sa douche. Ouais, c'est ça, dans un quart d'heure. Non, mais là, il sera en direction de la douche. Ouais, il sera c'est pas ça, vraiment GSM. Ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, bref. Bon, de toute façon, toi, lui, pense également à d'autres meufs. Hein. Il y a oui, pas de problème, oui, hein. Ouais, mais c'est parce que parfois, elles sont aussi plusieurs dans mes fantasmes. Ah, ça doit être ça le problème. Ouais. Bon, ouais, parce que si je pensais à ma main pendant que je lui fais l'amour en même temps. Bon, et donc tu vas faire quoi avec cette info là? C'est intéressant, mais. Moi je vais appeler les gens et je vais leur demander à quoi ils pensent pendant qu'ils font l'amour. Et tu vas te faire accrocher au nez. Mais non. Il y a de fortes chances parce que pour un sorcier, enfin on verra bien. Bon, allez, on appelle, on va où là pour appeler le premier là? Je sais pas moi, à Fraîche la Marche, un truc comme non, ça. Non, Forchy la Marche. À Forchy la Marche. Fraîche la Marche. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Ensemble, Fraîche, Forchy. Ouais, prépare le numéro de ton mec, Julien. Ça est tellement laid. Ouais, c'est ça. Allez hop, c'est parti. Puis on aura l'information également. Allô? Oui, bonjour monsieur. Voilà, oui. Je vous appelle parce qu'il y a un sondage qui vient de tomber. A priori, 70% des hommes pensent à une autre femme pendant qu'ils font l'amour à la leur. Et moi, je voulais savoir à quoi vous pensez pendant que vous faites l'amour. Monsieur, excusez-moi, monsieur, bonne soirée. Monsieur, il est 6 heures. S'il vous plaît? Non, je dis, il est 6 heures, presque 7. Oui. Voilà. Donc, ben vous me dites bonne soirée, donc ça ne va pas du tout. Monsieur, bonne soirée. Bon, bah, il a peut-être fini sa soirée, t'étais au carré comme toi hier. Hein. Ouais, peut-être. Tu vas pas savoir. Hein. Non, vas-y, bon, on va le rappeler. Il faut qu'il y ait que ça monte. Bah, ne fût-ce que pour qu'il remette l'horloge à sa place, oui. Ouais. Puis on aura la réponse aussi au. À la devinette qui colle. Excusez-moi. Allô? Oui, nous avons été coupés. Non, on n'a pas été coupés, monsieur. Ok. Mais vous aviez pas répondu à ma question, alors à quoi pensez-vous pendant que vous faites l'amour? À rien du tout. Ah oui. C'est clair? Oui, c'est clair. Merci. Au revoir, monsieur. Non, c'est bonne journée à cette heure-là, on dit. Au revoir. Oui, au revoir. Ouais. Oula. Il y a une musique petite, plutôt sympathique chez lui, la petite musique. Hein. Ah oui, non. C'est... Bon, c'est un échec, hein, c'est ce que j'avais prévu. Bah, c'est bizarre, les gens sont pas du tout sympas quand tu leur demandes ce qu'ils pensent. Ouais, non, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre. Je comprends pas. Bon, non. La réponse à l'énigme, ce sera dans quelques instants. Vous pouvez encore vous inscrire si vous le souhaitez. D'ici 10 minutes, grand max, on vous appelle pour vous donner la réponse à la petite devinette qui colle. Je vous le rappelle, quelle est la principale cause du divorce? La bonne réponse au 63-22. Pareil, si vous voulez vous inscrire aussi pour les factures, on vous les rembourse dans moins de 10 minutes. 63-22, code facture. Et dans un instant, c'est Lucenzo qui arrive avec Danza Kuduro. Et comme on est vendredi, je vous rappelle que c'est ce soir à partir de minuit qu'il y aura l'Invasion Latina avec Manu sur Fun Radio. C'est juste après Keep It Real. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Salut Mickaël, c'est Alizé Poulicek. Je te verrais bien en Miss Wallonie, mais faudrait quand même refaire les dents, faudrait refaire le sourire, faudrait refaire les abdos, faudrait refaire les pectos. En fait, faudrait tout refaire. Mickaël. Fun. À la radio. Et il est 7h sur Fun Radio. Bonne matinée tout le monde, c'est l'info maintenant avec Julie. Salut à tous. Conseil d'administration ce matin à la SNCB. Les syndicats craignent la suppression de 300 trains. Le groupe SNCB doit faire un gain supplémentaire de 43 millions d'euros pour stabiliser sa dette. Par ailleurs, le supplément de 7 euros pour l'achat d'un billet de train ne sera pas appliqué tant que toutes les gares et points d'arrêt ne seront pas équipés d'un guichet automatique. L'action Dexia a été suspendue jusque lundi à 15h54 hier. Dernier cours disponible. Le titre perdait 17,24% à 0,85 euros, alors que l'option d'une nationalisation de la branche belge de l'établissement en difficulté est fortement envisagée. Dexia n'est au courant pour l'instant d'aucune décision quant à son avenir. Une réunion de son conseil d'administration se tiendra demain pour définir l'avenir de la banque franco-belge. Nouveau jet de pavés contre un bus des techs à Courcelles hier soir, sans blesser ni le chauffeur ni les passagers. Le bus a pu s'arrêter un peu plus loin. Entre-temps, l'auteur du jet a pris la fuite. Depuis le début de la semaine dernière, une série de jets de pierres ont eu lieu contre les bus des techs dans la région de Charleroi. Les faits survenus à Gilly et Ransard avaient été à l'origine de 2 jours de grève. Mais normalement, ce matin, le trafic des bus ne devrait pas être perturbé. 5 jeunes Belges sont emprisonnés au Japon, certaines depuis plusieurs semaines. Les jugements seront fixés en décembre et février. Elles sont poursuivies parce qu'elles ont été piégées par un gang actif à Bruxelles qui, contre promesse d'argent, les a recrutées pour transporter de la poussière de diamant au départ de Londres entre Dubaï et Tokyo. Cette prétendue poussière de diamant s'avérait en fait être du crystal meth, une drogue synthétique. Aujourd'hui, le prix Nobel de la paix est décerné à Oslo. Le comité Nobel norvégien avait l'embarras du choix cette année avec un record de 241 organisations et individus en lice. Une liste de candidats dont l'identité est un secret bien gardé, ce qui complique le jeu des pronostics. Et puis en Italie, Silvio Berlusconi propose un nouveau nom pour son parti, Ali Minette. Le chef du gouvernement italien, dont la cote de popularité est au plus bas, a plaisanté sur le nouveau nom qu'il pourrait donner à son parti pour le relancer. Son parti qui s'appelle actuellement Peuple de la Liberté. Eh bien, il a proposé Ali Minette, allusion à son goût assumé des jolies femmes. Et puis en sport, ce soir, les Diables Rouges affronteront le Kazakhstan lors de l'avant-dernière journée des qualifications pour l'Euro 2012. Un match qu'il faut gagner. La Belgique est en lutte avec la Turquie pour la 2e place du groupe A qui donne accès au barrage. 7h03 sur Fun Radio, c'est la météo maintenant. Météo sous la pluie avec des rafales de vent de 10 à 16 degrés côté température et un week-end qui s'annonce également sous la pluie. Ouais, bah génial. 7h03, toujours sur Fun Radio. C'est un plaisir que je vous annonce ce grave, genre de nouvelles. Bonne nouvelle. Ah, je suis contente. Et oui, dans un instant, Lucenzo et Don Omar avec Danza Kuduro sur Fun Radio. Fun Radio. Fun Radio. 7h04 sur Fun Radio, c'est l'heure maintenant de l'info en plus. Alors vous, quand vous choisissez une destination de vacances, quel est un des critères importants? Tu dis, ok, je vais aller dans ce pays parce que... Parce que c'est pas cher. Parce que le qu'on appelle ça, le taux de change est bon. Ah, super. De nouveau, le pognon, ok. Mais non, parce que quand je partais aux États-Unis, c'est quand le taux était intéressant. Ok, ça va, on a compris, toi et ton argent. Alors, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'il y a un moment, c'est une question logique. Oui, bien sûr. Tu vas pas là où c'est cher, c'est normal. Certaines personnes, en tout cas, un des critères, c'est où on mange bien. Ah non, ça se m'embranle. Alors, bah écoute, il y a un petit classement qui a été fait pour ceux qui ne s'en branlent pas, Tof. Comment tu utilises cette expression tellement chouette à entendre à 7h04. Bah, tu sais, c'est le meilleur moment. Hein. Eh bien, ça, ouais. Oui, j'imagine. Tu n'as pas eu le temps, tu n'as pas pu aller dormir en plus. Ouais, je n'ai pas dormi encore aujourd'hui. Ça va, tu le vis bien. Sinon, la fois en plus. Eh bien, la fois en plus, c'est que. Attends, on est au bord du commerce. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est une ville italienne qui a été élue la première ville dans le monde où on mange le mieux. Alors, est-ce que vous avez une idée de laquelle ça pourrait être? Florence. Ah, bien joué. Ah, bah voilà. Eh bien, oui, Florence, c'est la ville où on mange le mieux. Suivi de Paris en 2e position et ça, Rome 3e au classement. Et ça, c'est faux, hein. Par contre, Paris, c'est donc, dégueulasse. Hein. Bah oui, mais c'est ça que je comprends pas. Je me suis fait la même réflexion. En fait, c'est un petit sondage qui a été effectué sur le site TripAdvisor. Tu vois, le TripAdvisor. TripAdvisor, oui, pardon. Le site internet de voyage où tu peux réserver des hôtels, etc. Et bien, ils ont fait un petit sondage de tous les gens qui pouvaient remplir des petites cases, etc. Et donc, Florence arrive en première position, Paris en 2e, Rome en 3e. Donc, dans ce classement, les villes italiennes sont super. super bien classé quoi. Ouais, mais ah ouais. On mange bien en Italie. Ouais, non, mais c'est vrai qu'en Italie tu manges bien. Ouais. Faut pas leur demander une pizza hawaïenne par exemple parce qu'ils t'insultent, mais sinon, ouais, sinon ouais, à part ça, non, tu manges bien. C'est normal, il y a des trucs. Ah, il y a des règles, il y a des règles aussi, ça, tu peux pas mettre du. Pizza hawaïenne. Tu peux pas. Bah oui, avec des ananas. Oui, oui, tout à fait. Voilà, sauf que là-bas, c'est interdit, ça, tu mets pas des ananas sur une pizza, mon dieu, mais quand on fait quel sacrilège. Bah oui, c'est vrai. Tu fais des conseils. Mitraillette, c'est pareil. Mais non, mais ça n'a rien à voir. Bon, bref. C'est pareil. 7h06, dans un instant, on vous rembourse vos factures. C'est dans 3 minutes que ça va se passer. 63-22 en débutant votre message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Et on vous appelle dans un instant, comme par exemple là, facture, homme trompe sa femme. Bon, pas le rapport, hein, mais bon, ok, d'accord. Peut-être que tu veux peut-être un petit peu d'argent, je sais pas, peut-être. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a aussi 78,71€ pour Proximus, 38€ pour une pédicure, 93€ pour l'assurance vie, c'est Wendy. 140€ pour un procès, qu'est-ce qu'il y a aussi, 313€ pour un billet d'avion. Bref, les factures, vous les envoyez au 6322, code facture. Et on va s'écouter le son de Lucenzo et Don Omar maintenant, comme promis, Danza Kuduro, 7h07 sur Fun. Bonne matinée, bon réveil. Lucenzo sur Fun Radio avec Don Omar, c'était Danza Kuduro. Et je vous rappelle aussi que ce soir, d'ailleurs, si vous aimez ce style de musique, il y a l'Invasion Latina. C'est que du son dans ce style pendant une heure, juste après Keep It Real, entre minuit et 1h du matin sur Fun Radio. 7h10, l'heure maintenant est venue de payer vos factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et chaque matin, c'est comme ça que ça se passe sur Fun Radio. 7h10, 8h10, 9h10. Hier soir, on a fait. Hier matin, pardon, on a fait un sans faute. Et donc, on va essayer de remettre le couvert ce matin. Tiens, est-ce qu'on va réussir de nouveau à faire un sans faute? Eh bien, nous allons voir ça maintenant. Il y a eu plein d'inscriptions. 33€ pour le doudou de mon fils. 53€ pour Mobistar. 30€ pour l'hôpital. 138€ pour la taxe voiture. 49,43€ pour Mobistar également. Qu'est-ce qu'il y a également 119€ pour Krefel. 125€ pour une facture de gaz. Très bien. Eh ben on appelle maintenant quelqu'un, c'est parti. Si il ou elle décroche et répond à la question, c'est gagné. Et comment on va rembourser combien, Taf? 38€. Pour l'instant, on est quasiment à 2000€ de remboursé. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Qui paye les factures tous les matins? Fun Radio. C'est Fun Radio, bien, voilà, sûr. Bien sûr. Génial. Eh ben voilà, 7€ tu repars. Mais j'espère bien. Hein. Comment tu t'appelles? Muriel. Muriel, t'es dans quelle ville, Muriel? Roux. À Roux, c'est très oui. Bien. Roux, c'est tout près de Charleroi, c'est ça? Oui, près de Charleroi. Voilà, 103.5 ouais. Pour écouter Fun Radio. À Roux, pas de problème. Eh ben écoute, on va te rembourser. Pas du tout. Mais, ben, tu vois, comme quoi, plus, tout arrive. On ne pensait pas t'avoir aujourd'hui et tu es là. Comme quoi, tout arrive. Alors, on va te rembourser 38€, c'est pour rembourser quoi? Une fiche pédicure, en fait. Ah, c'est la fameuse pédicure avec les petits poissons, là. Oh, c'est mignon. Tu t'es fait bouger les pieds. Ah, la fiche pédicure, oui, voilà. Fiche poisson, bien sûr, en anglais, bien entendu. Très bien. Oui. Bon, voilà, bon, eh ben écoute, on va te rembourser ça. Hein. Tu vas nous donner toutes les infos là hors antenne et puis on va te faire un petit virement et puis tu auras ça le plus rapidement possible. Mais est-ce que ça t'a okay. Fait des jolis pieds ou pas? Ouais, ça fait des jolis c'est pieds super, ou pas? Super gentil. Ça t'a fait des jolis pieds ou pas? Non, je les ai pas encore fait, non. Ah, pas encore fait, non, d'accord, je... ok. Non, je les ai pas encore fait, non. J'ai le papier, mais bon, d'accord. J'y vais, quoi. Eh ben, aucun problème. C'est bon. Génial. Eh ben, gros bisous à toi. Passe une bonne journée, oui. Charleroi. Merci beaucoup. À bientôt. Merci à vous aussi. Et au revoir. Si vous voulez faire comme elle, si vous voulez que vous aussi, on vous rembourse vos factures, 6322, débutez votre message par facture avec le montant et l'objet de la facture et on vous appelle dans moins d'une heure sur Fun Radio en direct. Et restez bien là dans un instant. C'est le son de Pitbull qui arrive avec. Rain Over Me, Pitbull et Marc-Anthony sur Fun Radio. Restez bien là, il y a l'horoscope qui arrive. Plus excitant que la caféine, plus vitaminé que le jus d'orange. Tous les matins, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. Hey, assalamu alaikum, ici c'est Monsieur Tom là. C'est moi ça. La famille, tous les matins, je suis avec Mickaël sur Fun Radio et croyez-moi, il pue vraiment de la gueule. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Fun Radio, on est ensemble, bande de cochons. Ah mon dieu, oui, j'aime bien son... Ah non, de dieu. Ah bah, il aime bien son dance floor, tant mieux, hein. Tant mieux. Eh, hey, bonne nouvelle. Nous sommes ouais. Vendredi, ce qui veut dire que nous sommes bientôt lundi. Ce qui veut dire que l'amour est dans le pré revient et qu'il va y avoir les rencontres avec notamment José, là. Ah mon dieu, oui, j'aime bien son... Ah non, de dieu. Bon, je l'appelle José, mais il s'appelle pas vraiment José, en fait, hein. Non. C'est une manière... Comment il s'appelait encore? C'est Jérôme, je crois. Jérôme, je crois, effectivement, oui, je suis pas sûr, mais bon. Avant de faire l'horoscope, nous avons avec nous Jean-Philippe. Salut Jean-Philippe. Oui, bonjour. Salut Jean-Philippe, ça va? Ça va, vous? Eh ben, ça va bien aussi. T'appelles de Liège? 99 FM pour écouter Fun dans toute la cité ardente. Et tu as la réponse à la devinette qui colle. Je vais la rappeler d'ailleurs pour ceux qui viennent de débarquer, on ne sait jamais. C'est trop tard pour jouer, mais au moins vous aurez entendu la réponse. Quelle est la principale cause de divorce ? Le mariage. Eh ben le mariage, bien et bien oui. Sûr, ben oui, c'est par là pour pouvoir divorcer. Mais voilà, Julie aimerait bien se marier. Oui. Ah, Julie va donc divorcer. Très bien. Non, pas du tout. Ben voilà. Ben, écoute, Jean-Phi, ben c'est gagné. Hein. On va te filer oui. Les cadeaux, écran plat, console, oui, ou alors micro chaîne Philips, ou encore appareil photo numérique Samsung. Tu vas gérer ça au standard. Tu choisis ce que tu veux. Super, d'accord. Sympa. Ben avec plaisir. Et on est comme ça ici sur Fun. Tu sais, on est à la cool, et on est sympa. Hein. On est entre potes, pas de problème. Bon, et ben écoute, passe une bonne journée à Liège et puis tu reviens quand tu veux, Jean-Philippe. Eh bien, merci. Salut, bon salut. À vous aussi. Merci beaucoup. À bientôt. Salut, Jean-Philippe. À bientôt. Ciao à toi. Fun Radio. Fun Radio. L'horoscope. Oh, dis donc, Jean-Philippe. Oui. T'es quel signe? Sagittaire. Bon, bah écoute bien, c'est l'horoscope maintenant avec Doudou. On va voir comment ça va se passer chez toi, tiens. Allez, oui. Salut Jean-Philippe. Salut. Bye bye. Tiens, Doudou, vous êtes content là? C'est presque le week-end. Ah, bah pourquoi vous me dites toujours ça au début de l'émission? Bah, pour vous motiver, Doudou, là. Bah, moi, ça me déprime un peu. Hein. Bah, pourquoi maintenant? Bah, parce que ça veut dire que pendant encore 3 heures, je vais pas pouvoir dormir. Oui, mais ça, c'est parce que vous regardez de mauvais côté, là. Ça veut aussi dire que dans 3 heures, vous êtes dans votre lit, là. Oui, vous le prenez dans le sens que vous voulez, mais le résultat, il est le même. Moi, je dors pas. Bon, allez, courage. Allez, on va passer au bélier, là, directement. Allez, d'accord. Hop, là, c'est parti. Malheureusement, tout le monde ne veut pas que votre choix bien. Ouais, ça, c'est sûr, surtout Julie. Bon, je ne te veux pas de mal, Michel. Les taureaux. Même si vous n'avez pas du mal à le faire, il faut que vous vous imposiez face aux autres. Bon, les gémeaux. Avant de prendre des décisions, accordez-vous du repos pour ne pas mettre votre réussite en danger. Les cancers. Un ouragan n'est rien en comparaison avec vous. Mais je sais pas où vous allez chercher toute cette énergie. Qu'est-ce que c'est? Ah, d'accord, ok. Ah, ouais, c'est ça, ouais, bah, c'est les cancers, c'est comme, comme Julie. J'ai la patate, hein. Les lions. Alors profitez de votre temps libre et de votre week-end et offrez-vous une récompense pour votre dur labeur de toute la semaine. Les vierges. Tout va bien, mais vos finances exigent encore votre attention. Très bien. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Les capricornes. Et les balances, non? Les scorpions. Ah si, les balances, pardon. Non, ceux-là, non. Les balances, j'ai confondu. Alors les balances, il faut veiller à ce que votre générosité, votre serviabilité ne soient pas trop exploitées aujourd'hui. Bon, les scorpions. Si possible, restez au lit. Rétablissez-vous. Bah oui, c'est mieux aussi, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre également? Ah, bah les Sagittaires, tiens. Jean-Philippe, écoute bien, Jean-Philippe, c'est les Sagittaires. Oui. Allez, on y alors va, c'est parti. Vous devez prêter plus d'attention à votre santé. Ah, voilà, faut arrêter de fumer, Jean-Philippe. C'est déjà fait. Ah, bah tant mieux, bah tu vois, il vaut mieux tard que jamais, tiens. Bon, tu vois, il tousse encore. Bon, les Capricornes. Faites encore preuve de patience et sachez apprécier vos relations d'amitié. Les Verseaux. Aujourd'hui, vos adversaires n'ont aucune chance. Très bien, et enfin les Poissons pour finir. Faites la grasse matinée, prenez un petit déjeuner copieux et allez faire une balade en forêt. Oh ben voilà, ben c'est plié. Oui. Bon Doudou, on vous retrouve dans une heure. Hélas. Eh oh, ça, oh, va, oh, Doudou, oh là là. Ça va. Bon, à tout à l'heure Doudou. Hein. Oui, à tout à l'heure. Allez, dans un instant, on va parler de quelque chose de particulier sur lequel je suis tombé qui est relativement drôle. Je vous en dis pas plus, mais on va en parler d'ici quelques instants. Et avant ça, on va s'écouter un bon vieux son, tiens, celui de Econ maintenant. C'est Lonely sur Fun Radio. Sur Fun Radio. Si on y arrive. Bah oui, mais ça marche pas. Ah voilà. Essaye avec une autre radio peut-être. Bah oui, j'aurais peut-être essayé, hein, je sais pas. Sur Bell RTL. Ah ouais, là ça marche. Ah ouais, là ça marche. Mais par contre, il passe pas Icon sur Bell RTL. Hein. Ah, je ne sais pas, tiens. Mais on pourrait mettre Michel Sardou. Oh bah dis avec ce plaisir. Ce serait bien ça. Hein. Ah oui, oh, Michel, un bon Michel Sardou. Ce serait parfait pour nous réveiller. Des lacs du Connemara. Oh, c'est oui. Génial. En général, plutôt on entend ça en fin de soirée. Bah, à cette heure-ci, tiens. C'est vrai. On pourrait essayer, tiens. Allez, Icon maintenant. Lonely sur Fun, 7h22. Econ sur Fun Radio à l'instant avec Lonely, 7h25. Bon réveil tout le monde, c'est Mickaël à la radio. On est ensemble jusqu'à 9h30 avec encore le signal qui peut retentir à tout moment pour repartir avec les places pour le parc Astérix. 4 places VIP avec la rencontre de Quentin Mosiman. C'est-à-dire que vous ferez le tour du parc en compagnie... En compagnie de Quentin Mosiman, c'est-à-dire que vous passerez devant tout le monde au niveau des filles, et ça c'est quand même un bon plan quand même. Hein. Ouais, c'est beau. C'est ah ben beau. Ça, c'est surtout ça fait plaisir et c'est quand même vachement plus rapide. Bon, je vous avais dit que je vous parlerais de lourd là ce matin. Effectivement, j'ai du lourd, du très très lourd. C'est un nouveau rappeur belge. Alors écoutez, voici les présentations. La famille MC Momo Coco est dans la place. Voilà, donc ça c'est MC. Quoi MC Momo Croco. D'accord. Voilà, enfin, alors ça c'est pas du blast de rappeur, hein. Franchement ouais, je m'y connais pas. Hein. Alors là non, oui, vraiment. Très très bien trouvé. Non, parce qu'il faut savoir qu'en plus c'est un mec qui a eu une vie quand même relativement difficile dans un quartier super sensible. Hein. Ma zone c'est Waterloo, zou, là-bas il y a le meilleur resto d'ado, c'est le Croco. Tout le monde achète des pâtes et des sandwichs au Nutella. Ah ouais, tu vois, donc mec un peu violent quand même. Donc il y a le Waterloo, mais quartier très sensible. Attends, on sent le mec qui vient du Tiercar là. Ça a l'air dur la vie là-bas, les tartines aux chocos et tout. Et c'est cette vie hardcore justement qui a donné l'envie à MC Momo Croco de devenir un rappeur engagé avec des textes profonds. Le monde existe avec des clashs. On peut lire dans les infos la violence, on doit l'interdire. C'est le genre de truc qui te fait réfléchir quoi sur l'avenir du monde. Il est puissant. T'as pas encore tout entendu sur ces punchlines. Hein, alors oublie Booba, Aurel San et les autres. Attention, là c'est du lourd. Le matin dans mon monde, j'ai l'écho. Je suis affamé de manger des noix de coco. Ouais. Ah, tu vois, là, on est quand même, on arrive à un moment. Je reste sans voix tellement je suis impressionné. T'as vu par un peu ce talent. Ce garçon. Exactement, c'est du talent. Et tu fais bien, cela dit, d'être impressionné, évidemment, parce que sinon, si jamais tu l'avais éventuellement défoncé en disant que c'était pas bien, ce qui serait mal. Je n'aurais pas osé parce qu'il a l'air très très balèze. Voilà, en plus, hein. Il aurait pu se passer ça. Si vous me pêchez, je mettrai mes doigts de velours dans votre nez. Si vous ne respectez pas mon style, je vous killerai tous. Avec du style, Voilà. Est-ce qu'il a bien dit doigt de velours que je mettrai dans ton nez? Oui, c'est ça. Oui, c'est bien. D'accord, entendu. Non, je voulais juste être bien sûr des menaces qui posaient sur moi et ça fait effectivement très peur. C'est ça. Bon, en tout cas, je ne serais pas le clasher. Hein, non, moi comme non. Ça, mais c'est clair. En tout cas, retiens bien son nom. Hein, c'est MC Momo Croco. Hein. Encore une découverte Fun Radio. Et ça fait plaisir. Non, mais il y a un moment, faut se le dire. Faut s'approprier les choses. Heureusement qu'on est là pour découvrir des jeunes talents. Mais exactement. Sans nous, qui serait Shaggy? Personne. Bah, personne, exactement. Et sans nous, qui serait ce garçon? Personne. Bah, personne non plus. Voilà. Si c'est bien un garçon, parce que j'ai un doute avec la voix. Oui, je pense que c'est un garçon. C'est MC Momo Croco. Momo Croco, attention. Oui, excuse-moi, pardon. Bon, 7h28 sur Fun Radio. Bon réveil, tout le monde. Dans un instant, la nouvelle énigme qui colle avec des écrans plats à gagner. Ce sera dans un instant. Le temps d'écouter l'info et Jason Derulo également. Avec le nouvel album de Jason Derulo également hein, qui sort aujourd'hui là. C'est Hit Girl qu'on va écouter dans un instant. Restez bien sur Fun Radio, il est 7h29. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Ah, oh, c'est génial. C'est énorme ce que vous faites. Tous les matins entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun. Tous les matins. Tous les matins, Mickaël est en direct sur Fun Radio. Radio. Et 7h30 sur Fun Radio, bienvenue, 7h31 même, c'est l'info avec Julie. Salut à tous, un conseil d'administration se déroule à la SNCB ce matin pour décider des mesures d'économie drastiques à prendre. Les syndicats craignent la suppression de 300 trains quotidiens, ainsi que les fermetures et suppressions de différents points d'arrêt et gares. Le groupe SNCB doit faire un gain supplémentaire de 43 millions d'euros pour stabiliser sa dette. Par ailleurs, le supplément de 7 euros pour l'achat d'un billet dans le train ne sera pas appliqué tant que toutes les gares et points d'arrêt ne seront pas équipés de guichets automatiques. L'action Dexia a été suspendue jusque lundi à 15h54 hier, dernier cours disponible. Le titre perdait encore 17,24% alors que l'option d'une nationalisation de la branche belge de l'établissement en difficulté est fortement envisagée. Dexia n'est encore au courant de rien quant à son avenir. Une réunion de son conseil d'administration se tiendra demain pour définir l'avenir de la banque. Nouveau jet de pavé contre un bus des Tech à Courcelles hier soir, sans blesser ni le chauffeur ni les passagers. Le bus a pu s'arrêter un peu plus loin. Entre-temps, l'auteur du jet a pris la fuite. Depuis le début de la semaine dernière, une série de jets de pierre ont eu lieu contre les bus des Tech dans la région de Charleroi. Les faits survenus à Gilly et Ransart avaient été à l'origine de 2 jours de grève. Mais normalement, ce matin, le trafic des bus ne devrait pas être perturbé. 5 jeunes Belges sont emprisonnées au Japon, certaines depuis plusieurs semaines. Les jugements sont fixés en décembre et février. Elles sont poursuivies parce qu'elles ont été piégées par un gang actif à Bruxelles qui, contre promesse d'argent, les avait recrutées pour transporter de la poussière de diamant au départ de Londres. Cette prétendue poussière de diamant s'avère en fait être du crystal meth, une drogue synthétique. Aujourd'hui, le prix Nobel de la paix est décerné à Oslo. Le comité Nobel norvégien avait l'embarras du choix cette année avec un record de 241 organisations et individus en liste. une liste de candidats dont l'identité est un secret bien gardé, ce qui complique le jeu des pronostics. Et puis enfin en sport, ce soir, les Diables Rouges affronteront le Kazakhstan lors de l'avant-dernière journée des qualifications pour l'Euro 2012. Un match qu'il faut gagner. La Belgique est en lutte avec la Turquie pour la deuxième place du groupe A qui donne accès au barrage. Mais ça va aller, on va suivre les Diables et ça va bien se passer. Enfin, mais oui. Bon, j'espère. On y croit. Mais oui. C'est la météo maintenant. Averse, rafale de vent. Cool. Maximum 16 degrés et week-end qui s'annonce sous la pluie. Voilà. Ben voilà, c'est génial, on va être au top là quand même. C'est les bonnes nouvelles de la matinée. Bien. Très très bonnes nouvelles. Ouais. Bon, avant d'écouter Jason Derulo avec Hit Girl et de vous annoncer la petite devinette qui colle de cette heure-ci, nous allons passer maintenant à l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. 7h33 sur Fun, l'info en plus. Alors, quand on parle de super pouvoir et qu'on demande un petit peu aux gens quels super pouvoirs ils aimeraient avoir, beaucoup parlent de l'invisibilité. Comme ça, on peut aller un petit peu comme ça, aller farfouiller. Moi, j'irais bien dans le futur. Oui, je sais. Mais pas très loin. Les chiffres de l'euro million. Genre vers 18h, j'irai vers 23h et puis je reviens, quoi. Ouais, d'accord. Voilà. Okay. Merci. En toute simplicité, quoi. Michael et l'argent, une très très grande histoire d'amour. Oui, c'est vrai. Non, bien... l'argent ne l'aime pas. Oui, non, ça c'est sûr. L'argent ne l'aime pas, malheureusement. Eh bien, des scientifiques ont inventé un procédé permettant, tenez-vous bien, l'invisibilité. C'est pas mal. Alors, pour ces scientifiques, on peut comparer ce dispositif à un interrupteur qui éteint ou allume la lumière. En fait, ils ont exploiter le principe du mirage. Donc c'est le phénomène de réflexion de la lumière à cause des variations de température. Cela rend les courbes, courbe les trajets des rayons lumineux. Donc c'est un petit peu compliqué à comprendre. Mais imaginons, donc on a une flaque d'eau. Mais pas physique, donc c'est normal. Mais, ouais. Mais j'essaie de vous expliquer ça avec des mots faciles. Oui, c'est ça, et prends-nous pour des cons aussi. Enfin, c'est pas super facile à comprendre, moi je peux mais comprendre. C'est un jeu d'enfant. Principe, moi je peux comprendre. Mais non, on c'est bon, pas que là. Moi je comprends directement, je peux comprendre qu'on ne comprenne pas. D'accord, ok. Oh là là, dis donc, je me fais agresser encore ce matin. Mais ça n'a rien à voir. Est-ce que vous voulez vraiment que je vous explique ou. Non, vous n'avez pas vraiment envie de savoir. On adore quand tu nous racontes des histoires. Mais c'est en fait le principe Julie, d'effet d'optique. Donc l'histoire. Donc quand tu as par exemple une flaque d'eau et que tu as ton reflet, donc c'est le principe du mirage. Et donc si tu veux, les rayons lumineux partent dans tous les sens et donc ça reflète sur la flaque d'eau. Et bien ils utilisent un peu ce même système avec les fameuses variations de température et ça rend donc courbe les trajets des rayons lumineux. Ce qui peut donc... forcément imaginez qu'on peut faire imaginez bientôt qu'on pourra faire des braquages sans être pris quoi. Oui, enfin, on n'y est pas encore. Forcément, mais... cet appareil pourrait servir à pas mal de choses mal. Ouais. Voilà. Ouais. Invisible ne veut pas dire passer à travers les murs. Il pourrait susciter bien des convoitises. C'est vrai. Et tu pourrais prendre l'avion gratos et tout. Tu t'installes, tout ça, tranquille, t'es bien. Oui, on y est pas encore. Cool. Ouais. Bon, 7h36 sur Fun Radio. Attention, avant d'écouter Jason Derulo maintenant. Message de Steph qui dit les courbes invisibles. Ok, je saisis mieux Julie à présent. Ouais, merci pour cette petite vanne. Bon, les devinettes qui collent maintenant. Très fort, très très fort. Qu'est-ce qui fait 15,2 cm et qui pourrait excite les filles? Alors, on l'avait déjà fait la vanne, attention, il y a un mois et demi. Et là, nous allons vérifier si vous êtes des fidèles de Fun et fidèles de Mickaël à la radio. Qu'est-ce qui fait 15,2 cm et qui excite les femmes? Mon doigt? Non, pas du tout. Ça fait vraiment pas 15,2 cm et ça excite encore moins les femmes. Oui, c'est pas Julie? Ça n'excite surtout pas les femmes. On est d'accord. La bonne réponse au 63-22, écran plat à gagner. Il y a également les packs Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes et également bien sûr la microchaîne Philips ou encore l'appareil photo numérique Samsung. Qu'est-ce qui fait 15,2 cm et qui excite les femmes? Petit indice, c'est mauve. Voilà, on dit pas plus. Et c'est relativement rare aussi, faut quand même le dire. Jason Derulo sur Fun Radio, c'est Hit Girl, 7h37, bon réveil. Jason Derulo sur Fun Radio, 7h39, c'était Hit Girl. Et il y a une info qui est tombée aussi. C'est bon, vous connaissez bien sûr Kurt Cobain et Courtney Love, hein. Kurt Cobain qui était donc le leader de Nirvana et Courtney Love qui était donc la chanteuse du groupe de rock Hole, et ils étaient mariés ensemble. Et donc forcément Kurt Cobain s'étant suicidé en 1994, Courtney Love qui est donc sa femme, en fait, qu'est-ce qu'elle aurait dit s'il revenait aujourd'hui par exemple? Comme la théorie dit que c'est peut-être elle qui l'aurait suicidé, moi je dirais qu'elle le resuiciderait. Eh ben écoute, c'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça en fait. La femme de Kurt Cobain a dit que elle a fait une interview en fait au magazine Vanity Fair. Et donc, est-ce que vous avez été fâché du suicide de Kurt? Courtney Love répond: oui, bien sûr, fâché. Vous croyez? S'il revenait maintenant, je serais obligé de le tuer pour ce qu'il nous a fait. je le baiserai puis je le tuerai. Ah bah écoute, merci. Rock'n'roll, hein, Courtney Love. Elle le baise d'abord. Oui, quand même, effectivement. Ouais. Donc voilà, c'est ce qui reste. C'est ce qui. Bah, en gros, si Kurt revenait, de toute façon, il ne fera pas long feu, malheureusement, le pauvre. Hein. 7h41 maintenant, nous allons prendre Jeannot Lapin, hein, qui est avec nous. Hein, c'est Sébastien Loeb, le mec, il a 4 surnoms. Il est Sébastien Loeb qui est avec nous en direct de je ne sais où pour un petit Mickaël réveille la Belgique. Allô Loeb. Oui, allô. Habillé en lapin? Non, en voiture du côté de Saint-Gilles. Ah, tu es habillé en voiture. Ok, oui, c'est bien aussi. Habillé en voiture aujourd'hui. Habillé en voiture, c'est bien. C'est mon déguisement, je suis déguisé en Alfa Romeo aujourd'hui. D'accord, ok. Oh, Alfa Romeo. C'est ça. Bon, c'est alors. C'est son sponsor en ce moment. Petit réveil la Belgique ce matin, tu vas aller réveiller un immeuble, une boulangerie, une station de métro, tu vas faire quoi? Alors, je vais réveiller tout le quartier. En plus, il y a plein de gens, il y a plein de circulations. Très bien. Et donc voilà, donc si jamais. Après, je vais klaxonner, et puis alors, au cas où, on sait jamais. Si j'ai des réponses, ce serait bien. Donc, si vous entendez quelque chose, là, il est dans la voiture, là, si vous entendez un mec en train de gueuler dans un mégaphone, n'hésitez pas à klaxonner et à l'écraser. Allez, vas-y. Oh non, je vais Est-ce que tu peux mettre un bande de feignasses? C'est pour moi, c'est gratuit. Ouais, tu peux mettre bande de feignasses debout. Allô. Tu peux mettre un petit bande de feignasses debout. Un petit ok, ouais. Allez, vas-y. Et ah ben voilà. Et ben voilà, c'est une bonne chose de fait, tiens. On va s'écouter Ina dans un instant avec Un Momento. Justement, c'est le cas de le dire. Et si vous voulez vous aussi faire un petit réveil à Belgique, 30-44 débuté par réveil. Et si vous faites ça bien, vous repartirez également avec des cadeaux. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Jean Rock. Tous les matins, j'écoute Mickaël. J'adore Mickaël. Non, en fait, j'adore pas, il est relou. Fun Radio. Les Fun Radio, bienvenue tout le monde, 7h47, c'est l'info trafic. Qu'est-ce qui se passe sur les routes? Eh bien, rien d'exceptionnel, ça commence à ralentir sur les routes, donc je peux vous citer le 40 de Gand vers Bruxelles, la 12 vers Reyers, le 314 Lumen vers Leuven, enfin bon, ça ralentit un peu dans tous les sens, mais j'ai pas d'accident spécialement à vous signaler. C'est ça, mais pas quand même, levez le pied, parce que ça glisse ce matin, il pleut, et quand il pleut, les gens roulent comme des cons. Exactement. Et donc il y aura forcément plus de bouchons. Bah forcément, et plus d'accidents, voilà. Donc faites gaffe quand même. 7h47 sur Fun Radio. Passons maintenant à, bien entendu, comme chaque matin et comme chaque heure d'ailleurs, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart, à la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Fun Radio. Et premier message, oui, ils sont enflammés, dis donc. Premier message de la ligne anti-relou ce matin. C'est parti, on va l'écouter de suite. Oui, c'était Jean-Pierre. Bah, écoute, j'aurais bien voulu qu'on se voie, mais Oui. Tu m'avais dit d'être attendre devant le café de la gare. Ça fait 1h30 que j'y suis. J'attends, je fais déjà mon 5e café, donc oui. Je commence un peu tout doucement dans leur marre. Est-ce que tu crois que on pourra se voir un jour quand même? Parce que, un jour. Eh oui, peut-être un jour, on verra bien. Hein. Voilà. Il a l'air désespéré. Hein. Mais il a l'air désespéré. Tu crois qu'un jour on pourra se voir quand même? Désespéré et un peu tendu après son 5e café aussi. Il y a de quoi, il y a de quoi. Bah, tendu, pour peu qu'il ait bouffé du gingembre à midi. Bah, c'est ça. Bon, allez, deuxième message, laissez sur les liens anti-relou. Bonjour, bébé, j'aimerais bien te connaître. Bon, vous avez mon numéro de téléphone si vous voulez me pipi ou me téléphoner. Je suis à votre service. Bye. Je suis à votre service. Ouais. Oui. Peut-être un. Tout ce que tu veux, je te le fais. Ah, merci. Ouais, mais c'est peut-être un mec qui est payé pour. Hein. Ah, peut-être. Un gigolo, c'est vrai. On va savoir. Mais effectivement. Bah, on sait pas. Allez, dernier message pour ce matin. Ouais, Alicia, c'est Diego ici. Et ça va quoi, ça va bien toi. Y a pas de problème quoi, t'as pas oublié quelque chose quoi. Bah, ça fait légèrement 1h30 que je t'attends. Légèrement. Donc voilà quoi. Qu'est-ce que je vais faire, hein? Je viens pas, je vais savoir où tu dors et je vais aller bouffer des cracottes dans ton lit. Et puis après, une fois que j'ai bouffé les cracottes, je me barre. Tu vas voir la merde. Eh ben voilà, il a l'air gentil celui-là. Le bouffeur de crapaud. Mais oui, plutôt en pleine forme. Bah d'ailleurs, la CIA est sur le coup. Hein. Le serial crapaud killer. Bien sûr, bien sûr. Voilà. Pour le retrouver. C'est ça, oui. Donc, mais c'est là que la meuf, elle va quand même se sentir conne d'avoir fait cette connerie-là, de se foutre de sa gueule, parce que du coup, il va quand même débarquer et manger des crapauds dans son lit. C'est et quand ça, même très dur, quoi. Ça fait peur. Ah ouais. Franchement, ça, c'est dur. Bon, retour de la ligne anti-relou, ce sera bien évidemment tout à l'heure, dans moins d'une heure. Et puis, je vous rappelle le numéro de la ligne anti-relou également. Il va falloir l'utiliser ce week-end. Hein. Numéro spécialement dédié à vous les filles et un peu pour les mecs aussi. Dès qu'un relou vient vous prendre la tête, à la place de lui donner votre numéro, donnez-lui le numéro de la ligne anti-relou, comme ça il l'appelle et on écoutera les messages dès lundi. 0473 86 0013. Et je vous rappelle également maintenant la petite devinette qui colle. Attention, qu'est-ce qui fait 15,2 cm et qui excite les femmes? J'ai donné un indice, c'est mauve. On avait proposé un permis de conduire. Non, il n'est pas mauve le permis de conduire, il est rose. Proposer un Godemichet. Mais c'est déjà tout daltonien, tu te rends pas bien compte. Ouais, c'est vrai. Le Godemichet, non, parce qu'il n'est pas forcément rose, alors que là, c'est impératif. Hein. Il est mauve, hein. C'est obligatoire. Si vous avez la bonne réponse, on proposait un billet. Oui, mais un billet de quoi? C'est ça la question. De combien? Oui, de combien? Voilà, c'est ça. Je peux vous dire, c'est en euros. Hein. Bon, voilà, à partir du moment où je donnais la couleur, normalement, ça devrait être assez relativement facile pour vous. 63-22 avec la réponse, écran plat à gagner, ou encore le pack avec la console, oui, à l'intérieur, et les jeux et les manettes qui vont avec, tout simplement. Bonne chance, tout le monde. Manettes. Ah oui, il y en a plusieurs. Waouh. Non, mais c'est pas forcément fourni, tu sais. Hein. Tu fais waouh là. Mais, bah quoi, t'as d'office une manette? Non, ouais, bah d'office une, mais là, il y en a plusieurs. Waouh. Ouais, mais quand tu vois le prix de la manette, tu te dis que finalement c'est quand même sympa. Oui, non, c'est vrai. Ah, 7h51 sur Fun Radio, c'est Ina maintenant qu'on écoute Un Momento. Ina sur Fun Radio avec Un Momento. 7h54 sur Fun, bienvenue si vous débarquez, c'est Mickaël à la radio jusqu'à 9h30 ce matin avec les places dans un instant pour le parc Astérix. On va le faire maintenant, tiens. Allez hop là, inscription 63-22 maintenant, vous débutez votre message par Astérix et on vous filera vos 4 places. Si vous êtes tiré au sort, 4 places VIP avec en plus la visite du parc avec Quentin Mossiman. Ça se passe maintenant, 63-22, code Astérix avec vos coordonnées complètes. Bonne chance tout le monde. Bon, on va, on rappelle pour essayer de savoir à quoi pensent les hommes pendant qu'ils font l'amour. Ouais, parce que, enfin, je le rappelle, ce sondage m'a profondément choqué. Oui. C'est-à-dire que 70% des hommes pensent à une autre femme pendant l'acte. Oui, mais je suis pas sûr que par téléphone on te réponde réellement. Hein. Mais si, au saut du lit, si ça se trouve, on va tomber pile au bon moment et on saura tout de suite, on aura une vraie réponse hyper précise. Ah oui. À quoi pensait le mec? Oui, ou pas, voilà. Bon, on a appelé tout à l'heure à Forchi la marche, quoi, je sais ça. Ouais, quelque chose la marche. Un truc comme ça. Et on va appeler où maintenant? Nous allons appeler à Gros. À Gros, très bien. Alors, c'est parti. Gros, G-R-A-U-X, hein, pas gros comme gros, hein, on y va. Ouais. Allez hop. Un pronostic, Julie? Je pense pas que les gens soient très très ouverts à l'idée. Ouais. Donc, je confie, donc je dirais échec. Ouais. D'accord. Allô? Oui, bonjour monsieur. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, écoutez, je vous appelle ce matin parce que j'ai une petite question à vous poser. Putain, vous êtes bien vous? Oui, monsieur, je suis très bien. Bah oui, maman parle, j'étais couché à 3h du matin avant, oui. Oh, monsieur, c'est pas grave, hein, vous rattraperez ça plus tard. Il a pas l'air de bien le prendre. Eh ben voilà, hein, bon bah... Ça y est. Bah, quoi, on rappelle quand même. Rappelons ce monsieur. Ah bah oui, attends. Rappelons ce monsieur. Tu veux qu'on le rappelle encore un coup? Oh, un petit coup. Ouais, bon, allez, c'est parti, on y va, on le rappelle encore un petit coup, là, c'est parti. Allez, hop là. Attends, où est-ce qu'il est? Voilà. Voilà. Ça sonne. Allô? Oui, monsieur, maintenant que vous êtes réveillé, vous pouvez répondre à ma question. Allô, vous foutez de ma gueule ou quoi? Ah, non, monsieur, mais bon, maintenant que je vous ai réveillé. C'est vous? Je suis Toff. Et non, moi, c'est Silvio et je vous emmerde. Vous foutez la paix maintenant, ça va? Et ma question alors? Le Toff, c'est quoi pour une histoire, cette histoire? Réveiller les gens, c'est n'importe quoi, ça. On n'aura pas la réponse à la question. Non, mais ça t'avais dit. Hein. Je t'avais dit qu'il y avait peu de chances qu'on ait la réponse à la question. Hein, mais bon, écoute, il avait l'air plutôt en pleine forme. Hein. Mais je pense qu'il est bien réveillé. Non, maintenant. Mais je m'inquiétais de savoir si Silvio allait bien. Je suis assez rassuré à ce niveau-là. Ouais, non, là, je pense qu'il va très très bien. Ouais, là, il est en pleine et forme. Et là, il est réveillé pour la journée. Ah, là, il est en pleine forme. Ah, t'es couché à 3h du matin, mais t'es complètement en cou ou quoi là? Hein, Toff, là, c'est quoi ça? Hein, Bon, 7h57 sur Fun Radio. Nous allons tout à l'heure donner la réponse à la devinette qui colle, je vais vous le rappeler. Hein. Ah tiens, Mickaël, c'est quoi le numéro de la ligne anti-relou, s'il te plaît? Alors, je le répète, 0473-86-0013. Voilà. Et puis, la petite devinette qui colle, écoutez-la bien. Qu'est-ce qui fait 15,2 cm et qui excite les femmes? On avait donné la réponse tout à l'heure. En tout cas, un petit bout de réponse. C'est effectivement un billet, mais lequel? Sinon, il y a encore Christophe de Verviers qui dit un vibromasseur. Non, pas du tout, ce n'est pas un vibromasseur. Pas du tout, du tout, du tout. Si vous avez la bonne réponse, n'hésitez pas. 6322, écran plat à gagner, ou alors les packs Nintendo Wii avec la console, les manettes et les jeux qui sont à gagner. Entre autres, vous choisirez au standard tout simplement. Et dans un instant sur Fun Radio, David Guetta va débarquer avec Titanium. C'est David Guetta et Saya qu'on va écouter sur Fun Radio. 7h58, bonne matinée et bon courage. C'est la dernière journée de la semaine. Allez, ça va vite passer. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. C'est Fun Radio, il est 7h59, bon réveil tout le monde. Je vous rappelle la petite devinette qui colle encore un petit coup là. Là, la devinette qui colle. Qu'est-ce qui fait 15,2 cm et qui excite les femmes? La réponse au 6322, bonne chance. Et puis dans moins de 10 minutes, on va également vous appeler en direct pour vous rembourser votre facture. 6322, débutez le message par facture avec le montant de la facture ainsi que l'objet de la facture. Là, des messages qui viennent d'arriver par exemple, c'est 53€ pour Mobistar. Il y a également 78€ SWDE, je sais pas ce que c'est, 200€ pour la taxe automobile, 45€ pour l'assurance professionnelle, 108€ pour un cadeau d'anniversaire, 78€ pour Proximus. Si vous aussi vous voulez qu'on vous appelle en direct dans quelques minutes pour vous rembourser vos factures, une seule manière, vous inscrire. 6322, c'est 1€ le message. Débutez le message par facture avec le montant et l'objet de la facture et on vous appelle peut-être dans 10 minutes. Et à 8h pile sur Fun Radio, passons à l'info maintenant avec Julie. Salut à tous, un conseil d'administration se déroule à la SNCB ce matin pour décider des mesures d'économie drastiques à prendre. Et les syndicats craignent la suppression de 300 trains quotidiens, ainsi que les fermetures et suppressions de différents points d'arrêt et gares. Et le groupe SNCB doit faire un gain supplémentaire de 43 millions d'euros pour stabiliser sa dette. Et puis par ailleurs, le supplément de 7€ pour l'achat d'un billet de train ne sera pas appliqué tant que toutes les gares et points d'arrêt ne seront pas équipés de guichets automatiques. L'action Dexia a été suspendue jusque lundi à 15h54 hier, dernier cours disponible. Le titre perdait encore 17,24% alors que l'option d'une nationalisation de la branche belge de l'établissement en difficulté est fortement envisagée. Dexia n'est au courant d'aucune décision pour le moment quant à son avenir. Une réunion de son conseil d'administration se tiendra demain pour définir l'avenir de la banque. Nouveau jet de pavé contre un bus des Tech à Courcelles hier soir, sans blesser ni le chauffeur ni les passagers. Le bus a pu s'arrêter un peu plus loin. Entre-temps, l'auteur a pris la fuite. Depuis le début de la semaine dernière, une série de jets de pierre ont eu lieu contre les bus des Tech dans la région de Charleroi. Et puis la STIB n'est pas épargnée par le phénomène. Aux alentours de minuit, un individu a lancé un projectile contre un véhicule alors qu'il se trouvait à Ixelles. Heureusement, personne n'a été blessés. 5 jeunes Belges sont emprisonnés au Japon, certaines depuis plusieurs semaines. Les jugements sont fixés en décembre et février. Elles sont poursuivies parce qu'elles ont été piégées par un gang actif à Bruxelles et qui les a recrutées pour transporter de la poussière de diamant au départ de Londres. Cette prétendue poussière de diamant s'est avérée en fait être du cristal meth, une drogue synthétique. Aujourd'hui, le prix Nobel de la paix est décerné à Oslo. Le comité Nobel norvégien a l'embarras du choix cette année avec un record de 241 organisations et individus en lice, une liste de candidats dont l'identité est un secret bien gardé, ce qui complique le jeu des pronostics. Et puis enfin en sport, ce soir, les Diables Rouges affronteront le Kazakhstan lors de l'avant-dernière journée et des qualifications pour l'Euro 2012. Un match qu'il faut gagner. Ça va aller. La Belgique est en lutte avec la Turquie pour la deuxième place du groupe A qui donne accès au barrage. Bon, la bonne nouvelle, c'est que les Turcs affrontent l'Allemagne. Oui, donc on espère qu'ils vont... Normalement, ça devrait aller. Hein. Les Allemands vont, à mon avis, y aller comme des grosses machines, là, comme d'habitude. On verra. La Belgique doit gagner ce soir. Et la mauvaise nouvelle, c'est que mardi, c'est la Belgique qui affronte l'Allemagne. Donc là, par contre, c'est un peu problématique. Enfin, on verra bien. Allez, 8h03 sur Fun, c'est la météo. Eh bien, on prévoit des averses tout au long de la journée. On nous parle de timides éclaircies cet après-midi. Non, bah, t'emballe pas. Hein, des pas rafales de vent de 10 à 16 degrés côté température, un week-end sous la pluie. Je pense génial. Que je peux m'arrêter là. Non, mais c'est top. C'est le top. Oui, enfin, en même temps, tu me diras, c'est l'automne. Très bon week-end en perspective. Il fallait pas non plus attendre à un truc de psychopathe. Hein, non, mais, ça c'est sûr. On sait jamais quoi. C'est jamais un petit. Non, non, un non c'était habitué au beau temps, tu vois, 27 degrés et tout. On s'habitue vite, hein. Ah oui. On s'habitue vite. Ah oui. L'info en plus dans 30 secondes sur Fun Radio, ainsi que le son de David Guetta et Sia, ce sera Titanium. Fun Radio. Fun Radio. Allez, l'info en plus à 8h04 sur Fun Radio maintenant, Julie. Je sais, vous vous posez la question, vous vous demandez où, dans quelle ville en tout cas du monde, on mange le mieux. Eh bien, oh, je oui, suis Julie, là pour vous répondre. Bah, moi, je pense que c'est à Francfort. Eh bien non, pas du tout. Ah oui, une bonne grosse saucisse. Une bonne grosse saucisse, ouais. C'est évidemment l'Italie attends. Qui remporte. Ah, j'allais miser plutôt sur une ville américaine, tu vois, où on mange un bon fast-food, quoi. Ah oui, bien sûr. Non, bien sûr. Ah, bon, eh bien non, c'est Florence qui remporte la palme de la ville où on mange le mieux, qui est suivi par Paris en deuxième position, ce qui est quand même assez étonnant hein. Parce que bon, sauf que t'as le pognon de te payer des très très bons restos, parce donc là évidemment on mange très bien. Dans un restaurant qui a l'air un peu sympa à Paris, donc pas non plus super cher, vas-y commande un steak, tu vas voir un morceau de gras avec un peu de viande autour. Donc voilà, c'est dégueulasse. Ce qui est bon à Paris, c'est de se rappeler qu'il y a des rats dans les caves. Bon d'accord, eh bien écoute, c'est le site internet TripAdvisor qui a demandé à ses internautes de donner des cotes à toutes les villes où ils ont été donc pour se nourrir, se substanter. Et donc la capitale gastronomique de l'Europe maintenant, c'est Florence. D'accord, bah pourquoi qui pas, arrive donc en première position. Paris deuxième, Rome troisième position. Et très très bien classée l'Italie dans le classement. Bah, c'est vrai qu'on y a mange Bologne bien, en 7ème position, etc. Ouais, on mange bien là-bas. Oui. On mange bien en Italie, mais bon. Tiens, un message qui est arrivé, salut Mickaël, SWDE, c'est Société Wallonne des Eaux. Ah oui, c'est vrai, en plus je l'ai pas, mais c'est juste que j'ai pas eu l'habitude encore. SWDE, effectivement. Bah voilà, c'est pour parler des factures. Dans un instant, on va vous les payer justement vos factures. 63-22 en débutant votre message par facture. Ce sera peut-être chez vous qu'on va appeler d'ici quelques instants. Le temps d'écouter le son de David Guetta maintenant et Saya avec Titanium sur Fun Radio. Passez une bonne matinée, c'est vendredi aujourd'hui, le 7 octobre, et il est 8h06. David Guetta et Saya sur Fun Radio, c'était Titanium. Il est l'heure maintenant de payer les factures. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Allez, c'est parti comme chaque matin sur Fun Radio. Pour l'instant, depuis hier, 7h10, nous avons fait un sans faute. On a réussi à payer toutes les factures. Enfin, quand je dis réussi, c'est qu'on est capable de le faire chaque matin. C'est juste vous qui ne décrochez pas forcément à chaque fois. Donc c'est dommage. Mais là, c'est pas grave. On va remettre le couvert et on va voir si on peut faire un cinquième appel sans faute. Un cinquième appel qui décroche et un cinquième appel qui paye. Justement, on avait pas mal de factures qui sont arrivées au 63-22, notamment 45€ pour l'assurance professionnelle, 35€ pour le chien, 80€ pour Mobistar, 85€ pour la taxe voiture, qu'est-ce qu'il y a également, 197€ pour l'entretien de la voiture également, 700€ pour l'iPhone 4S. Non, vous foutez pas de ma gueule, il n'est pas encore sorti. Arrêtez un peu de nous la faire à l'envers là. Allô ? Allô ? Oui ? Oui, bonjour, qui paye les factures le matin ? Ah, c'est Mickaël sur Fun Radio. Mais bien évidemment. Bon là, j'en s'est fait un peu avoir parce que Toff a été un peu précoce du standard et donc il a formé le numéro, je parlais encore. Donc je l'ai j'ai entendu ça. Bah ouais, donc forcément, ouais, là, t'aurais quand même été bien con de répondre autre chose. Hein. Mais bon, comment tu t'appelles ? Tonia. C'est Tonia ou Tania ? Tonia, d'accord, ok, très bien. T'es dans quelle ville, Tonia ? Carnion, d'accord, ok. Et bah tu t'es inscrite pour qu'on te rembourse la facture. Et c'est une facture de combien, Toff, qu'on va rembourser pour Tonia? 36,79€. C'est pour rembourser quoi, Tonia? Des soutiens-gorge. Ah bah écoute, avec plaisir, hein, nous, après si on peut rendre service. Et ah. Quel modèle? Comment ça, quel modèle? Enfin, quelle taille? Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Bah non, c'est important. Non, mais on a rien à foutre. Julie, t'en as quelque chose à faire? Moi, hein, je m'en fous totalement. Ah, non, tu mais vois, bon, après, ça, c'est. Je demanderai au standard. C'est mon avis. Oui, bah, si ça va, tu demanderas ça au standard, je t'arrange avec elle. Bon, Tonia, je te renvoie justement au standard, on va t'expliquer comment faire pour qu'on te rembourse ta facture, d'accord? D'accord, ça va bien. Allez, gros bisous! Merci à vous. Allez, à bientôt Tonia. Et bah, et 5 appels depuis hier matin. C'est vraiment et impressionnant. Le cinquième qu'on rappelle, c'est beau. Et qui décroche surtout et qui répond bien à la question. Est-ce qu'on fera un 6/6 avant le week-end? On croise les doigts. Bah, j'espère aussi. Donc vous aussi, si vous voulez qu'on vous appelle dans un instant, à 9h10 en direct sur Fun Radio pour vous rembourser votre facture. 63-22 en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. Dans un instant, c'est l'horoscope de Doudou qui arrive. Je vous rappelle encore une fois également la petite devinette qui colle. La devinette qui colle est la suivante. Qu'est-ce qui fait 15,2 cm et qui excite les femmes ? C'est mauve, ça vaut beaucoup d'argent et il est relativement rare. Il sert à payer également. Ce n'est pas un godemich. Mais il est rare pour toi, Mickaël, mais peut-être pas pour vous. Mais pas pour Julie, parce qu'elle est blindée, on a compris. Pas du tout. Julie dort sur des matelas. J'en ai jamais eu un en main de ma vie. Oh, arrête un peu. Il y en a plein dans ton matelas, dans ton oreiller. Oui, bien sûr. Arrête un peu, là. Non, malheureusement, non. Sans déconner, quoi. Julie a un gros bas de laine, il faut le savoir. Mais, ouais. Bon, dans un instant, sur Fun Radio, Selena Gomez. Love You Like a Love Song, ça va débarquer dans un instant sur Fun Radio. Bon réveil, et on aura également le gagnant pour les places pour le parc Astérix qui ira avec 4 personnes au parc Astérix en VIP. Mickaël, à la radio. Salut, c'est Cartman. Si toi aussi tu t'es tapé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël, à la radio. Fun Radio. Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Bonjour, c'est Katia Stelica. Tous les matins, j'écoute Mickaël à la radio. Mickaël à la radio. Eh ben alors, c'est Fun Radio, il est 8h19. Bon réveil tout le monde. Dans un instant, on écoutera le son de Mika avec Elle me dit. Et nous avons maintenant la bonne réponse à la devinette qui colle. Et qui est avec nous pour la devinette qui colle? Bonjour. Bonjour, c'est Pascal. Salut Pascal, comment vas-tu? Ça va, et vous? Ben, ça va bien aussi, Pascal, tranquille. Est-ce que tu as la bonne réponse à la devinette qui colle, qui est la suivante? Je la répète, donc qu'est-ce qui fait 15,2 cm et qui excite les femmes? Un billet de 500 euros. Eh ben oui, c'est un billet de 500 euros, en effet, bonne réponse. Eh ben voilà, c'est parti, tu es dans quelle ville? Oupay, près de Liège. À Oupay, près de Liège, c'est 99 FM pour écouter Fun Radio là-bas. Eh ben écoute, bravo à toi, tu gagnes les cadeaux, tu repars chez Toff et on va gérer les cadeaux avec toi d'ici quelques instants. D'accord? Ok, pas de soucis. Salut. Merci et puis bonne journée Oupay, à bientôt. Ouais, bonne journée à vous. Salut, salut. Allez hop, c'est parti maintenant pour l'horoscope à 8h20. À 8h20, c'est parti pour l'horoscope, j'ai dit. Fun Radio. Voilà. Fun Radio. L'horoscope. Ah, décidément, ça croit que c'est Doudou qui lance la machine, dis donc, hein. Complètement endormi la machine ce matin. Bon, allez, l'horoscope maintenant là. Est-ce que vous regardez Secret Story, Doudou? Tiens, une petite question que je me posais comme ça. Oh là là, non, pas du tout, je regarde pas ça du tout, du tout, du tout. Vous aimez pas la télé-réalité? Ah non, non, ça n'a rien à voir. Le problème, c'est que ça dure trop longtemps. Ah, et alors? Bah, j'arrive pas à suivre. Hein, au début, il y a trop de monde et à la fin, il y a plus personne, mais je comprends pas pourquoi ils se prennent la tête. Hein? Mais bon, moi je voudrais bien qu'on me paye pour faire la sieste toute la journée dans une maison comme ça, et eux ça les fait chier, je comprends pas. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est bizarre. Parfait pour vous, Dodo. Ah, pour vous, c'est très bien. Bah oui, moi je serais là-bas toute la journée, je pourrais aller à la piscine, je pourrais dormir. Ouais, mais vous ferez pas monter l'audience, hein, dormir toute la journée. Bon, enfin, bah, oui, mais bon, après, bon, allez. Ça c'est un choix. L'horoscope et les béliers. Malheureusement, tout le monde ne veut pas que votre choix bien. Ouais, et Julie en est la première sur la liste. Ouais. Les taureaux. Même si vous avez du mal à le faire, il faut que vous vous imposiez face aux autres. Les gémeaux. Avant de prendre des décisions, accordez-vous du repos pour ne pas mettre votre réussite en danger. Les cancers, comme je dis, tiens. Oh là là, journée déplorable, catastrophique, ça va très mal se passer. Non, c'est pas vrai. Ah bah voilà une bonne nouvelle. Non, non, c'est pas vrai. Bah voilà, c'est plié comme ça. Ah bah voilà, j'avais dit que c'était pas vrai. Non, c'est plus ça. J'avais envie. Vous êtes un ouragan, vous êtes en pleine forme et je me demande bien où vous allez chercher toute cette énergie. C'est comme ça, c'est naturel du tout. Les lions. Profitez de votre temps libre et de votre week-end et offrez-vous une récompense pour votre du lab de la semaine. Les vierges. Tout va bien, mais vos finances exigent un peu de votre attention. Les balances. Veillez à ce que votre générosité et votre serviabilité ne soient pas trop exploitées aujourd'hui. Les scorpions. Si possible, restez au lit et rétablissez-vous calmement. Les sagittaires. Vous devez prêter plus d'attention à votre santé. Les capricornes. Faites encore preuve de patience et sachez apprécier vos relations amicales. Les Verseaux. Aujourd'hui, vos adversaires n'ont aucune chance. Vous allez les déglinguer. Et enfin, les Poissons. Faites la grasse matinée, prenez un petit déjeuner copieux et allez faire une bonne balade en forêt. Ça va faire du bien. Bah voilà une bonne idée. On vous retrouve dans une heure, Dodo. Ah oui. Eh oui. Et dans un instant, c'est la déclaration express avec Sébastien Loeb. Déclaration d'amour ou de rupture. On fait ça juste après le son de Mika à 8h22. C'est Elle me dit. Elle me dit. Mika à l'instant sur Fun Radio, c'était Elle me dit. Dans un instant, c'est l'info qui arrivera avec Julie comme chaque matin. Et là, nous aurions dû accueillir Laurent de Bruxelles pour faire une déclaration express. Malheureusement, il n'a pas comme souvent les coronets de décrocher, mais c'est pas très grave. Ça, hein. C'est les mecs, hein. C'est les mecs d'aujourd'hui, hein, ça. C'est ça, pour une déclaration express avec Sébastien Loeb également, déclaration express. Ouais, une belle petite déclaration express prévue. Oui, bah on va voir ça. Hein. Oui, sur UB40, yeah. Kingstown Town. Et oui, pour ceux qui ne voient pas ce que c'est, ça ressemble à ça. Hein. Bah oui, c'est beau. Mais oui, c'est beau. Mais oui, c'est beau. Ah mon Dieu, oui, j'aime bien. On va lui le taquer hein, comme d'habitude. Hein. Bon, alors attention, on va donc appeler Emma qui habite elle en France, à Montpellier, et c'est Laurent de Bruxelles qui apparemment a craqué sur. Alors comment ça s'est passé en fait? Ils se sont rencontrés en vacances? Bah, ou... Alors il est parti en vacances. Ouais. Et donc il est parti donc à Montpellier et il a rencontré cette fille-là en allant boire un verre et tout ça. Et d'accord, voilà. Très bien. Et donc il voulait l'appeler. C'est parti, on y va, on l'appelle. Message. Ah bah génial. Le modifier, bon, bah, on va laisser un message. Allô, bonjour, Emma de Montpellier, c'est Mickaël de Fun Radio et on t'appelle par rapport à Laurent de Bruxelles en fait hein, qui nous avait appelé pour faire une déclaration express parce qu'apparemment vous vous êtes rencontrés quand il est venu en vacances il y a peu de temps et donc il voulait te faire une petite déclaration express. Je te propose de l'écouter cette déclaration express. C'est parti. C'est beau. Je suis vite au top. Hein. C'est quand tu me fais une déclaration express. Quand tu veux. Emma, tu le sais, depuis que je t'ai rencontré, je ne veux plus d'une autre fille. Yeah. C'est toi qui me fais. Matin comme soir déliré, seul dans ma chambre, comme un gogol. Oh non, en plus ça colle partout dans mes draps de lit. Si j'étais pas tout seul à dormir dans ceci, je les changerais. Mais comme t'habites à Montpellier, je les changerai en janvier. Je les changerai en janvier. T'avais une autre vanne à la base, c'est la censure qui t'a fait changer ou... Non, c'est ah bon, ça va alors. Bon, ben, ça. Ben voilà. Et ben, écoute, j'espère que ça t'aura touché. N'hésite pas à m'envoyer un petit mail pour me dire si effectivement c'était le cas ou pas. Puisqu'on devait avoir Laurent de Bruxelles au téléphone, mais malheureusement, il a pas décroché, il a pas eu les colores. En gros c'est ça. Donc tu me fais un petit mail Emma mikael@funradio.be. Je compte sur toi. Bon ben gros bisous à toi Emma. Et vous aussi si vous voulez faire une petite déclaration express à l'occasion, n'hésitez pas bien sûr hein, vous contactez l'OEB directement loeb@funradio.be ou alors vous faites un petit SMS au 3044 en débutant le message par déclaration. C'est ça. Et il y en aura pas mal d'ailleurs des déclarations dans le replay de ce week-end. Entre 7h et 10h sur Fun Radio samedi et dimanche, il y a également Mickaël à la radio, le replay. Restez bien là, dans un instant c'est Rihanna qui arrive. Ram, pa, pa, pom. Rien avec Men Down. Et l'info de Julie avec la nouvelle devinette qui colle, ça va arriver dans un instant. Ne bougez pas. Mickaël à la radio revient juste après ça. Fun Radio. Vous ne comptiez pas éteindre le réveil? C'est bien ce que je pensais. Entre 6h et 9h30, Mickaël vous réveille sur Fun Radio. Fun Radio. Enfin, il fait ce qu'il peut. Oui, c'est un peu ça en fait, on fait ce qu'on peut quoi. Tous les matins sur Fun Radio, nous sommes en direct avec la nouvelle devinette qui colle ce matin. Écoutez-la bien, écran plat à gagner ou pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Comment appelle-t-on un pou sur un chauve? Si vous avez la bonne réponse, 63 22 bien sûr, vous regagnerez peut-être les cadeaux, on y va. Comment appelle-t-on un pou sur un chauve? Bonne chance tout le monde, il est 8h31, on passe maintenant à l'info. Salut à tous. Avec Julie. Bah dis donc, alors, pas présenté. Alors, elle démarre là directement, on dirait un train. Pressée, oh là là, pressée. L'info dingue, n'attend pas avec mais Julie. Mais oui, l'info n'attend pas là. Allez, c'est parti, 8h31, on a perdu 30 secondes maintenant. Tu peux y aller? Bah non, attends, j'ai. Les infos avec qui? Tu veux pas enlever ton pull avant? les infos avec qui? Il faut savoir que quand elle fait effectivement les infos, elle se dénude. Hein, donc c'est pour ça, nous on dit rien, on écoute. C'est pour qu'il reste calme. Allez, strip and news. C'est parti. Salut à tous, un conseil d'administration se déroule à la SNCB ce matin pour décider des mesures d'économie drastiques à prendre. Les syndicats craignent la suppression de 300 trains quotidiens ainsi que la fermeture et suppression de différents points d'arrêt et de gare. Le groupe SNCB doit faire un gain supplémentaire de 43 millions d'euros pour stabiliser sa dette. Par ailleurs, le supplément de 7 euros pour l'achat d'un billet dans le train ne sera pas appliqué tant que toutes les gares et points d'arrêt ne seront pas équipés de guichets automatiques. L'action Dexia a été suspendu jusque lundi à 15h54, dernier cours disponible. Le titre perdait donc hier 17,4% encore, alors que l'option d'une nationalisation de la branche belge de l'établissement en difficulté est fortement envisagée. Dexia n'est au courant d'aucune décision quant à son avenir pour le moment. Une réunion de son conseil d'administration se tiendra demain pour définir l'avenir de la banque. Nouveau jet de pavé contre un bus des Tech à Courcelles hier soir, sans blesser ni le chauffeur ni les passagers. Depuis le début de la semaine dernière, une série de jets de pierres ont eu lieu contre les bus des Tech dans la région de Charleroi. Et la STIB n'est pas épargnée par le phénomène. Aux alentours de minuit, un individu a lancé un projectile contre un véhicule alors que celui-ci se trouvait à Ixelles. Heureusement, personne non plus n'a été blessé. La province de Hainaut est touchée par une vague de délinquance. Depuis quelques semaines, des incendiaires boutent le feu à des véhicules privés. Plusieurs voitures ont été incendiées la nuit dernière dans la région de Charleroi. De Châtelineau à Marcinelle, en passant par Jumet, ce sont 5 véhicules qui ont été détruits par le feu. La région de Mons est également touchée par cette vague de délinquance. Les taxis bruxellois cumulent les infractions au code de la route. En plus, ils feraient des détours pour vous faire payer plus. C'est ce qui ressort d'une enquête européenne. La capitale, donc Bruxelles, est à la 13e place sur 22 villes européennes testées. Aujourd'hui, le prix Nobel de la paix est décerné à Oslo. Le comité Nobel norvégien a l'embarras du choix cette année avec un record de 241 organisations et individus en lice. Une liste de candidats dont l'identité est un secret bien gardé, ce qui complique le jeu des pronostics. Et puis enfin en sport ce soir, les Diables Rouges affronteront le Kazakhstan lors de l'avant-dernière journée des qualifications pour l'Euro 2012. Un match qu'il faut gagner. La Belgique est en lutte avec la Turquie pour la deuxième place du groupe A qui donne accès au barrage. Il est 8h34 sur Fun Radio, bon réveil tout le monde. Dans un instant, on va écouter le son de Rihanna avec Man Down. Et c'est parti pour la météo. Alors en bref, averse, rafale de vent, peut-être timides éclaircies cet après-midi. Température de 10 à 16 degrés. Ce week-end s'annonce sous la pluie. Eh ben, bonne nouvelle. Ouais, hein. Merci Julie. Très, très merci bonne prix, nouvelle. C'est avec grand, grand plaisir. Allez, passons à l'info en plus. Fun Radio. Fun Radio. Et je vous rappellerai la petite énigme qui colle dans quelques instants. Vous connaissez Hello Kitty? Oui, bien sûr, c'est le truc rose, là, oui, chiant. Le petit chat rose, là, très connu en Asie surtout. Eh bien, maintenant, Hello Kitty est utilisé pour humilier les policiers à Bangkok. C'est-à-dire. Alors, les autorités de Bangkok ont trouvé donc cette idée étrange pour freiner la corruption policière. C'est-à-dire qu'ils imposent aux policiers, qui sont corrompus, de porter un brassard Hello Kitty. Ah, voilà. Sympa, donc tu sais que ce policier-là, tu peux pas lui faire confiance, quoi. Voilà, exactement. Si, tu sais que tu peux l'acheter, justement. Oui, tu peux l'acheter, oui, c'est vrai. Donc ce n'est pas la première fois qu'on utilise donc la couleur un peu rose pour humilier, pas humilier, mais bon, les punir, entre guillemets, les hommes qui sont pas méchants, on peut le dire. Oui, c'est mal, corrompu. En Ouganda, on avait déjà. Oh là, qu'est-ce qui se passe, Marv? Il est de retour. On n'a pas prévu que Marv Simpson revenait, là. Pour l'instant. Tiens, c'est bizarre, ouais. Moi, je suis pas trop malade, mais bon. Bon, je voulais vous dire qu'en Ouganda, on avait déjà tiré sur des manifestants avec du colorant rose pour les calmer. Ah ouais. Donc voilà, maintenant à Bangkok, on peut repérer les policiers corrompus avec un brassard Hello Kitty. C'est quand même assez rigolo. Bah non, c'est vrai, c'est pas mal, c'est à tester. Très bien d'avoir pareil. Malheureusement, ils n'ont plus assez de brassards pour le nombre de mecs. Oui, ça c'est un autre problème. Ouais. Dans un instant, on appellera le gagnant ou la gagnante pour le parc Astérix, puisque les cloches, les trompettes du parc Astérix sont retenties tout à l'heure. 6322 code Astérix pour vous inscrire si vous le souhaitez. Il vous reste 2-3 minutes avec vos coordonnées complètes et toujours aussi la petite devinette qui colle. Attention, comment appelle-t-on un pou sur un chauve? On proposait un avion sur une piste d'atterrissage. Non, pas du tout. On proposait le pou du désert. Non plus. Qu'est-ce qu'on proposait? Ouais, en trois lettres. Ouais. Oui, en trois lettres ou en trois mots. Oui, mais ou en trois lettres, ouais. Ouais, c'est vrai. Un naufragé, c'est pas une bonne réponse, non. Donc, si vous avez la réponse, n'hésitez pas. C'est quelqu'un qui... Comment dire? Qui n'a pas de maison. Oui, qui n'a pas de maison. Voilà, on peut appeler ça comme ça, effectivement. La bonne réponse au 6322, c'est 1€ le message. Et surtout, vous repartirez, peut-être avec un écran plat. Ou alors le pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. 8h37, bonne chance. On écoute maintenant le son, l'excellentissime son qu'on a découvert pour vous il y a quelques mois maintenant. Hein. Rihanna, c'est Man Down sur Fun Radio. Bonne matinée, bon réveil, c'est vendredi. Le son de Rihanna sur Fun Radio à l'instant, Man Down, 8h41. On va donc appeler maintenant le gagnant ou la gagnante qui repartira avec ses 4 places pour le parc Astérix, avec en plus de ça la possibilité de rencontrer Quentin Mossiman en VIP. Allez hop, on appelle quelqu'un qui s'est inscrit ou inscrite au 6322 en débutant le message par Astérix. On y va, il y aura que deux là aussi après. Tu te prépares là, physiquement, à accueillir quelqu'un à l'antenne. Psychologiquement, oui, il faut que je me prépare. Ouais, allez, c'est parti. Je me sens prête aussi là. Bon, ça sonne Bah, une seconde. Moi, je suis au taquet, hein. Bah, je me doute bien. Ça, on a bien vu depuis ce matin. Hello. Allô, bonjour. Oui. C'est Mickaël, t'es en direct sur Fun Radio. Oui, bonjour. Mais oui, bonjour. Tu t'es inscrite pour repartir avec tes 4 places et rencontrer Quentin Mossiman au parc Astérix. Oui. Comment t'appelles-tu? Gwendoline. Oh, c'est mignon. Non, non, moi j'aime pas ce prénom, c'est bon, elle gagne pas. Gwendoline. Pourquoi elle gagne pas? Mais si. Humour, Gwendoline. Gwendoline. Ah, mon dieu, oui. Ah, bah oui, j'aime bien ça. Gwendoline, c'est gagné. Tu repars avec tes 4 places, direction le parc Astérix, 4 places VIP pour aller rencontrer Quentin Mossiman, Gwendoline. Oh mon dieu, Quentin Mossiman! Ça va être top, tu vois, j'espère. Ça va être une belle journée. Tu vas aller avec qui? Super. Ah, ben avec mon copain et puis Il va falloir choisir avec les potes là, ça va être un peu. Oulala, ça va être. Ah, tu vas voir plein d'amis tout d'un coup là. Il va falloir tirer à la courte paille. Ah, ouais, c'est clair, ouais. Bon, eh ben, écoute, bravo à toi en tout cas, tu reviens quand tu veux, je te fais des gros bisous, amuse-toi bien et puis tu nous raconteras un petit peu comment ça s'est passé, n'hésite pas. Hein. Ah, ouais, il n'y a pas de souci. Ah, ouais, bah, tout le monde dit ça, mais personne ne me donne de nouvelles. Ah, hein. Oh, ben je les vous rappellerai. Hein, ça va alors. Bon, salut Gwen, gros bisous et bonne journée. Merci. Et voilà, rassurez-vous, il y a encore des places pour le parc Astérix à gagner toute la journée sur Fun Radio 6322, code Astérix, dès que vous entendez les trompettes d'Astérix. C'est celle-ci pour ceux qui viennent de débarquer. Voilà, allez, bonne chance. Kate de Luna dans un instant sur Fun Radio, Drop It Low. Kate de Luna et Fatman Scoop. C'est ce qui arrive avec la ligne anti-relou également. Mickaël à la radio. Mickaël revient juste après ça. Fun Radio. Fun Radio 8h47, c'est l'info trafic maintenant. Que se passe-t-il sur les routes? Soyez prudents, objet encombrant sur le 411 Bruxelles en direction de Namur, Luxembourg, à hauteur de Assès. La bande de gauche est obstruée par des déchets de pneus de camion. Je vais y arriver, de pneus de camion. Et puis toujours sur la 411, chaussée inondée de Luxembourg-Namur direction Bruxelles. Donc c'est dans l'autre sens, à hauteur de Sarre-Bernard. Et c'est la bande de gauche qui est obstruée en bas du viaduc de Sarre-Bernard. Troisième bande en partie inondée. Soyez prudents. Bon, faites gaffe, et si vous êtes témoin d'un problème sur la route, eh bien n'hésitez pas à nous faire un petit SMS au 3044, c'est 50 centimes le message, ou un petit mail également sur mikael@funradio.be, témoin d'un accident, d'un problème, d'un bouchon, d'un ralentissement ou même d'un flash, surtout des flashs, n'hésitez pas. Allez hop, c'est parti maintenant pour la ligne anti-relou. Fini les prises de tête avec la ligne anti-relou. 0 473 86 00 13. Fun Radio. Et il y aura Kate de Luna aussi dans un instant avec Fatman Scoop, ce sera Drop It Low et la ligne anti-relou. C'est chaque matin, 7h moins quart, 8h moins quart et 9h moins quart. Personne ne suit. Ah pardon. Non mais, y a pas non, de mal. Non, mais on n'est pas là pour suivre. Hein. Mais il n'y a pas de mal, Ouais mais Julie a faux. Ouais mais je suis dans mes infos. Là mais il va y avoir le flash dans 10 minutes. Faut que je sois au taquet. Mais c'est comme ça. Elle est sur l'info à chaud. Mais bien sûr qu'elle est sur l'info. Et donc du coup 0 473 86 00 13, c'est le numéro à retenir par cœur. Numéro de la ligne anti-relou qui sert à vous sortir des emmerdes quand vous êtes en soirée, par exemple les filles, surtout les filles, ça peut arriver aux mecs aussi, mais surtout les filles, quand il y a un gros relou qui vient vous prendre la tête, et eh bien au lieu de donner votre numéro de téléphone pour le faire dégager pour le soir et du coup se le récupérer le lendemain sur le répondeur, et eh bien donnez notre numéro, il croira que c'est le vôtre, sauf qu'il va tomber chez nous, ce qui est mieux. Et quand il tombe chez nous par exemple, bah, il passe pour un con, comme là par exemple. D'accord bébé, j'aimerais bien te connaître. Bon, vous avez mon numéro de téléphone, si vous voulez me pipi ou me téléphoner, je suis à votre service. Bye. Et oui. D'accord. Bye. Salut, merci d'être passé. En tout cas, personne ne le rappellera, c'est sûr. Deuxième message. Oui, c'était Jean-Pierre. Bah, écoute, j'aurais bien voulu qu'on se voie, mais tu m'avais dit d'être attendre devant le café de la gare. Ça fait 1h30 que j'y suis. J'attends, je fais déjà mon 5e café, donc je commence un peu doucement à avoir marre. Est-ce que tu crois que on pourra se voir un jour quand même? Parce que, bon, comment ça? Et oui, comment ça, perdre patience. Après 1h30, le gars n'a toujours pas compris qu'elle n'arrivera pas. Et ça fait peur quand même. Mais après le 5e café, effectivement, ouais, c'est un peu compliqué. Et non, enfin, dernier message. Je suis là-dessus, moi, après 1h30, je peux encore arriver. Oui, c'est vrai. Mais toi, t'es éternellement en retard. Mais enfin bon. Allez, dernier message. Ouais, Alicia, c'est Diego ici. Ça va quoi, tu vas bien toi. Y a pas de problème quoi, t'as pas oublié quelque chose quoi. Enfin, ça fait légèrement 1h30 que je t'attends. Donc voilà quoi. sais ce que je vais faire, Si tu viens pas, je vais savoir où tu dors et je vais aller bouffer des cracottes dans ton lit. Et puis après, une fois que j'ai bouffé les cracottes, je me barre. Tu vas voir la merde. Oh merde, le drame, le mec va venir chez toi, il va bouffer des cracottes. Il va appeler la police immédiatement. Qu'il est con celui-là alors, c'est le truc bien grave là. Oh là là là là. Moi je préfère qu'il dise ça plutôt qu'autre chose. Oui, non, bah bien sûr, évidemment. Retour de l'année anti-relou, et ben dès lundi, ou bien non, que dis-je, dès demain et après-demain, car oui, il y a le replay de Mickaël à la radio tous les week-ends. Ouais, samedi, dimanche, 7h-10h, c'est le replay des Mickaël à la radio. Je vous rappelle également la petite devinette qui colle de ce matin, attention. Comment appelle-t-on un pou sur un chauve? On avait dit que c'était en trois mots ou en trois lettres, hein, le diminutif. Alors il y en a qui avaient proposé EDF. Non, ça c'est Électricité de France, ça n'a rien à voir. Si vous avez la bonne réponse, on a dit on n'est pas très loin, hein, mais c'est pas la bonne réponse. Un batelier? Non, pas du tout. Pas du tout, je ne vois pas le rapport. Hein. Mm-hmm. Si vous avez la bonne réponse, donc ça se passe au 63-22 avec la réponse tout simplement. Et on vous rappelle peut-être en direct dans un instant pour vous filer votre écran plat ou alors votre pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Bonne chance tout le monde et on va s'écouter le son de Kate de Luna maintenant sur Fun Radio avec Fat Man Scoop, c'est Drop It Low, 8h51, bon réveil sur Fun. Kate de Luna sur Fun Radio avec Fat Man Scoop, c'était Drop It Low, bon réveil tout le monde. Il est 8h55 sur Fun Radio, dans un instant on écoutera Avicii avec Levels et puis on aura les infos aussi dans 5 minutes. Les infos avec Julie, allez, dernière tentative pour savoir à quoi pensent les Wallons pendant qu'ils font l'amour. Ouais, cette étude dramatique sur laquelle je suis tombé ce matin, 70% des hommes dans le monde pensent à une autre femme que la leur pendant qu'ils lui font l'amour. C'est ça, et donc tu veux voir si en Belgique c'est la même chose en fait, sauf que tu as... pas eu beaucoup de réponses, hein, donc c'est mal parti pour le sondage. Ouais, mais c'est parce qu'il était un peu tôt, les gens étaient pas dans la bonne vibe, mais là c'est bon, je sens que c'est ça va le faire là. Je sais pas pourquoi j'y crois toujours pas, je sais pas ce qu'en pense Julie. Mais moi non plus. Ouais, parce que vous êtes défaitistes tous les deux. Bon, on avait appelé à. Non, on est réaliste, différent. Ouais. Qui aurait envie de te confier sur sa vie, enfin tu vois, par un sexuel aussi. Comme ça. Par téléphone, à un ministre inconnu. On avait été à Forchy-la-Marche ce matin, on avait été à Gros également, et puis là on va à Carnion. Hein. Allez, allons à Carnion. En plus, l'auditrice qu'on a eue tout à l'heure, là, elle appelait de Carnion aussi. Donc, comme ça on l'appellera peut-être chez elle, qui sait. On ne sait pas. Allez, c'est parti, on y va. Direction Carnion maintenant, 8h56. Voilà. Allô. Oui, allô, bonjour monsieur. Allô. Oui, allô, bonjour monsieur. Oui. Oui, voilà, en fait je vous appelle parce qu'il y a un petit sondage qui vient de paraître qui dit que 70% des hommes pensent à une autre femme pendant qu'ils font l'amour à la leur. Et je voulais savoir à quoi vous pensiez vous pendant que vous faites l'amour. Écoute, si je dors, et vous laissez-moi tranquille. Aïe. Ah oui, non mais pas très très bien réveillé, il a eu du mal à trouver le... Il avait perdu le combini, donc. Bah, tu vois, donc c'est assez compliqué, ouais, c'est compliqué, hein. Les gens n'ont pas super envie de se confier. Non mais on va le rappeler, hein. Oui, je suis sûr qu'au fond de lui, il avait envie de se confier, là. Mais oui, il va tout me dire. Mais oui, on va le rappeler. Allez, hop. Allô. Oui, excusez-moi, vous n'avez pas répondu à ma question. À quoi... Écoutez, monsieur, je dors, laissez-moi tranquille. Oui, mais ça, vous êtes réveillé, là, donc vous pouvez répondre à ma question. Mais non, je suis en train de coucher, vous pouvez pas la... Il s'est raccroché au nez lui-même, dis donc. Mais c'est une bonne façon de faire, hein. Tu parles puis tu dis ouais, et puis merde. C'est ça, ouais. Il est en train de perdre son temps et son énergie et essayer de répondre à cet abruti là. Donc, ouais. Ouais. Il s'est raccroché au nez lui-même, hein. C'était pas mal. Un scandale. Bah oui. Moi je suis un petit peu déçu quand même. Hein. Bah c'est ça. Pas autant que moi. Bah ouais, c'est vraiment dommage. Bon, enfin bon, tant pis. Hein. Sauf, tu déclines de jour en jour. Hein. C'est de pire en pire. Ah mais il faut rappeler Roberto sur échec, là. Sur échec. Bah, oui. C'est vrai que pour l'instant on est trop dans l'échec là. Ouais. Bon, on va faire mieux la semaine prochaine. Bah, on espère. J'espère bien. Bon, enfin rassurez-vous, ce week-end dans le replay par contre ce sera du bon. Hein. Ouais, ça, c'est que le meilleur. Avec Roberto quoi. Bah non pas du tout. Non. Le replay donc de Mickaël à la radio, ce sera demain et dimanche, samedi et dimanche entre 7h et 10h, animé par Yolande. Donc soyez là hein, si vous êtes du matin. Samedi et dimanche, comme Julie, elle se lève tous les matins. Samedi et dimanche, c'est 7h, elle fait la grasse mat. Ah oui, non, mais 7h, c'est une putain de grasse mat. Ah, mais bien sûr. Oui, c'est vrai. Quand je me réveille, genre le week-end à 8-9h, je me dis, j'ai dormi comme si j'avais dormi 2 nuits. Exactement. Et c'est un truc de fou, quoi. C'est ça, exactement. Allez, 8h58 sur Fun Radio. Dans un instant, c'est Avicii qu'on va écouter avec Florida. Avicii et Florida, ce sera Levels sur Fun Radio. Tiens, il y a une réponse qui est arrivée aussi. Le PCP est pou complètement perdu. Ah, pas mal. Ouais, mais non, c'est pas une bonne réponse. À la radio. Salut, c'est Cartman. C'est toi aussi, tu t'es appelé la mère de Kyle hier. Ta gueule, Cartman. Écoute, Mickaël à la radio, 6h-9h30 sur Fun Radio. Mickaël à la radio. Fun Radio. et 8h58 sur Fun Radio. C'est parti maintenant, l'info avec Julie. Salut à tous. Un conseil d'administration se déroule à la SNCB ce matin pour décider des mesures d'économie drastiques à prendre. Les syndicats craignent la suppression de 300 trains quotidiens ainsi que la fermeture et suppression de différents points d'arrêt et gares. Le groupe SNCB doit faire un gain supplémentaire de 43 millions d'euros pour stabiliser sa dette. Par ailleurs, le supplément de 7 euros pour l'achat d'un billet dans le train ne sera pas appliqué tant que toutes les gares et points d'arrêt ne seront pas équipés de guichets automatiques. L'action Dexia a été suspendue jusque lundi à 15h54, dernier cours disponible hier. Le titre perdait 17,24%, alors que l'option d'une nationalisation de la branche belge est fortement envisagée. Et Dexia n'est au courant d'aucune décision quant à son avenir pour le moment. Une réunion de son conseil d'administration se tiendra demain pour définir l'avenir de la banque. Nouveau jet de pavé contre un bus des Tech à Courcelles hier soir, sans blesser ni le chauffeur ni les passagers. Depuis le début de la semaine, une série de jets de pierre ont eu lieu contre les bus des Tech dans la région de Charleroi. Et la STIB n'est pas épargnée par le phénomène. Aux alentours de minuit, un individu a lancé un projectile contre un bus alors que celui-ci se trouvait à Ixelles. Heureusement, personne n'a été blessé. La province de Hainaut est touchée par une vague de délinquance. Depuis quelques semaines, des incendiaires boutent le feu à des véhicules privés. Plusieurs voitures ont été incendiées la nuit dernière dans la région de Charleroi. De Châtelineau à Marcinelle, en passant par Jumet, ce sont 5 véhicules qui ont été détruits par le feu. La région de Mons est également touchée par ce phénomène. Les taxis bruxellois cumulent les infractions au code de la route. En plus, ils feraient des détours pour vous faire payer plus. C'est ce qui ressort d'une enquête européenne. La capitale est à la 13e place sur 22 villes européennes testées. Et puis aujourd'hui, le prix Nobel de la paix est décerné à Oslo. Le comité Nobel norvégien a l'embarras du choix cette année avec un record de 241 organisations et individus en lice. Une liste de candidats dont l'identité est un secret bien gardé, ce qui complique le jeu des pronostics. Et puis enfin en sport, ce soir, les Diables Rouges affronteront le Kazakhstan lors de l'avant-dernière journée des qualifications pour l'Euro 2012. Un match qu'il faut gagner. La Belgique est en lutte avec la Turquie pour la deuxième place du groupe A qui donne accès au barrage. 9h01 sur Fun Radio. Bienvenue tout le monde. Dans un instant, on va écouter Avicii avec Florida. Ce sera Levels. Et on passe maintenant à la météo. Averse, rafale de vent, timides éclaircies pour l'après-midi de 10 à 16 degrés côté température. Et ce week-end s'annonce sous la pluie. Eh ben génial. Tiens, un bon week-end de merde. Ah ouais, Fun Radio. Passons maintenant à la petite info en plus. Vous vous demandez où est-ce qu'on mange le mieux en Europe ? Eh bien, je suis là pour répondre à votre question. En tout cas, surtout les internautes du site internet TripAdvisor qui ont posé la question donc à leurs internautes. Ils ont proposé un petit questionnaire. Ils ont eu du mal, tout comme moi ce matin. C'est la fin de la journée, hein, il est 9h. En plus, c'est vendredi, alors vous imaginez pas. En plus, laisse tomber, quoi, j'en peux plus. Mais en tout cas, maintenant, on sait grâce à ce site internet que c'est à Florence qu'on mange le mieux, et c'est donc cette ville italienne qui a été élue capitale gastronomique d'Europe. On sait aussi que l'Italie est clairement bien classée puisque Rome arrive en 3e position, Bologne en 7e et j'en passe. Donc on sait que l'Italie, donc Florence, est numéro 1, et bien numéro 2 c'est quand même Paris. Ça c'est sur Alice, ce hein, parce qui m'étonne que, un c'est pas petit terrible. Peu personnellement, mais bon, on à part sait que la gastronomie dans les restos française, super chers, c'est mais ça, sinon, oui. Donc on se demande s'ils n'ont pas été mangés que dans des restos 3 étoiles. Donc voilà, maintenant on sait que c'est à Florence qu'on mange le mieux. Très bien, on y va. Allez, c'est parti. Il va faire dégueulasse ici, tant qu'à faire autant aller là-bas. Hein. Mais moi je propose qu'on prenne directement un vol pour aller à Florence dès cet après-midi. Je n'osais pas te le demander, mais puisque tu nous invites, j'accepte. Mais ne t'inquiète pas, elle va aller chercher un petit billet dans son matelas et puis on est parti. Bah bien sûr, je suis tellement riche. Tellement blindée, c'est ça. Bon, dans un instant d'ailleurs, puisqu'on parlait d'argent là, on va vous rembourser vos factures. Attention, depuis hier 7h10, on ne rembourse que des factures. Il n'y a pas eu un seul échec et... On est content, parce que c'est pas nous qui payons les factures. Et on est content. Bah on est content parce que c'est pas nous qui payons les factures et au final on fait plaisir. Ce matin c'est encore un sans faute, sauf maintenant, on va voir. On vous appelle peut-être chez vous là dans 5 minutes en direct sur Fun Radio. Si vous voulez qu'on vous rembourse vos factures, 6322, vous débutez le message par facture avec le montant de la facture et l'objet de la facture. Comme par exemple là, 83 euros chez Proximus, 90 euros pour la mutuelle, c'est sur Liège. Qu'est-ce qu'il y a également? 200 euros pour la taxe, 121 euros pour pour Luminus, 103 euros pour Electrabel, 90 euros pour bah pour rien, je sais pas ce qui est marqué, c'est pas grave. Facture de gaz 58 euros. Bref, si vous voulez qu'on appelle chez vous pour vous rembourser la facture, 6322, inscrivez-vous en débutant le message par facture avec le montant et l'objet de la facture. C'est 1 euro le message. Bonne chance tout le monde. Et on va s'écouter le son d'Avicii, je vous l'avais promis, Avicii Florida maintenant. Avicii sur Fun Radio avec Florida, Levels, 9h08, on paye les factures. Allez. Tous les matins, Fun Radio paye vos factures. Et dans un instant, il y aura Adele aussi avec Set Fire to the Rain. Il y aura aussi Maroon 5 avec Christina Aguilera et Moves Like Jagger avant de partir. Il y aura l'horoscope et la réponse à la devinette qui colle, que je vais vous rappeler d'ailleurs immédiatement. C'est parti, attention, écoutez bien. Pour repartir avec un écran plat ou alors le pack Nintendo Wii avec la console, les jeux et les manettes. Écoutez bien, quel est... pas du tout. Comment appelle-t-on un pou sur un chauve? Si vous avez la bonne réponse, allez-y, 6322 maintenant, c'est 1 euro le message. On avait dit que c'était en 3 lettres, quelqu'un qui n'a pas d'habitation. Voilà, c'est assez facile voilà. Quand même. Enfin, en tout cas, qui dort jamais au même endroit. Si, il peut très bien dormir au même endroit. Et pas avoir de toit au-dessus de lui. Oui, mais bon, disons que la définition des 3 lettres, ça ne veut pas dire qu'il dort toujours au même endroit. Oui. Ouais, en gros, c'est ça. Voilà. Excuse-moi d'être pointilleux, Il y a un moment, faut pas déconner quand même. C'est bon. Allez, on va rembourser les factures maintenant. Ouais. C'est parti, on appelle quelqu'un. Facture de 130 euros pour des vêtements chers. C'est pour mes deux enfants. Oui, bah s'il y en a deux, évidemment, ça va tout de suite beaucoup mieux. Sauf va bientôt décéder sur place. Je vois sa tête qui se décompose. Au fur et à mesure que les heures passent, monsieur a fait une nuit blanche. Bah ouais, monsieur va au carré. Alors et il forcément, en peut plus. Bah ouais. Tout ça parce qu'il y avait des bonnes là-bas. Donc forcément, si tu veux. Exactement. Oh là là, sa tête. Ah non, ça ramène un peu. Non, moi hier j'avais une dégustation de fromage, une raclette. On en a pas parlé de ça. Ah oui, c'est vrai. Une raclette hier. Bah tu pues pas trop le fromage, ça va. Bah non, pas du tout. Et franchement, ça ne puait pas dans la maison. Donc j'étais assez étonnée. Bon, allez, c'est parti, on y va, on appelle. Si il ou elle décroche et qu'elle répond bien à la question, c'est gagné. On a fait un sans faux depuis hier. J'espère que ça va pas flinguer mon truc aujourd'hui. Je veux partir sur une. Allô ? Allô, bonjour ? Oui. Qui paye vos factures le matin ? Fun Radio. Mais oui, mais bien Fun sûr, Radio, ouais, évidemment. Ça ne peut être que nous. Eh ben c'est parti, sans faute depuis hier. Génial. Alors, on est très très fiers de nous. 6 appels, 6 réussites, c'est beau. Comment t'appelles-tu ? Sylviane. Sylviane, très bien. Sylviane, il faut arrêter de fumer, Sylviane, c'est mieux pour la santé. Hein. Tu appelles de quelle ville, Sylviane ? De Bruxelles et Anderlecht. De Bruxelles, 104.7, même à Anderlecht, ça fonctionne. Hein. Et Sylviane, on remboursait combien, Toff 18 euros. Oh, bah, ça va, oh, 18 ça va, euros. Petite facture. Ah oui, vraiment petite alors. Hein. 18 euros, c'est pour payer quoi, Sylviane? Je crois qu'ils sont trompés, c'était 108 pour le concert d'Exhibit. 108 pour le concert. Oh, Sylviane. Ouais. Sylviane, on a filé des places pour le concert d'Exhibit, tu m'aurais demandé, j'en aurais fait. Bah oui, ça c'est dommage. Ah bah oui, bah tu savais pas. Bah oui, bah enfin bon, hein. Alors du coup maintenant on se retrouve comme des cons là. Bon, on va te payer des 108 euros du coup. Mais attention, hein, c'est bien parce que on va vérifier quand même que Toff se soit pas trompé lui-même, hein. Bon, c'est pas très grave, je l'ai dit au passage, hein. Bon, allez, 108 euros. Bon, Toff, vérification des SMS. Bah 18. Ah, il va marquer 18. Ah oui. Ah oui, mais enfin c'est bien, si t'oublies un 0 maintenant là. Hein, si t'oublies un 0. Écoute, elle verra ça aux antennes avec Toff. Oh là là là là. On peut pas débattre là comme ça à l'antenne. Si, on va débattre. Bon, allez, on débat. Alors moi je dis on lui donne ses 108 euros. Ah bah on va les payer de ta poche. Ah écoute, si j'avais ça à donner. Non, c'est juste. Elle avait une poche. Non, alors. On va le faire, mais je voulais juste prévenir que c'est la seule unique fois. Parce que sinon, c'est facile. C'est après, les gens ils peuvent s'inscrire, même en mettant 100 euros, s'ils sont tirés au sort. Alors ne le faisons pas, sinon c'est pas cool pour les autres. Mais c'est 1000 euros en fait, j'ai oublié un zéro, c'est 1000. Oui, mais bon, d'accord, mais bon, faut pas abuser quand même. Attendez, moi c'était 152 000. J'ai oublié 3 zéros alors. Ah oui, c'est une petite faute de frappe, évidemment. Bon, allez, on va gérer tout ça en antenne. On reste en tout cas sur des points positifs, en tout cas depuis hier. 6 appels, 6 réussites, ça fait plaisir. Voilà, 9h11 sur Fun Radio. On remet le couvert évidemment dès lundi à partir de 6h du mat. Dès lundi, 6h du mat, on vous rembourse à nouveau vos factures. Vous pouvez vous inscrire évidemment tout ce week-end au 6322 code facture. Et on va s'écouter le son d'Adèle maintenant. Set fire to the rain. 9h12, bon réveil. Et on revient juste après avec l'horoscope. Adèle sur Fun Radio. Ça fait du bien. 9h14. Bonjour, bon réveil tout le monde. Mickaël à la radio, on est ensemble jusqu'à 9h30. Et j'ai peut-être trouvé une solution là pour pour avoir enfin un gouvernement, tout le bordel, par rapport aux prochaines élections éventuelles. Vas-y, dis-nous. Ben, en fait, c'est en Pologne que ça se passe. C'est une candidate de 23 ans. Bon, déjà, ce serait bien si on pouvait avoir des candidates jeunes. Hein, ce serait bien aussi, déjà, ça. Et donc, elle a décidé, pour mieux se faire connaître, de se déshabiller sur Internet. Voilà, hein, tout simplement. Évidemment. J'étais sûre qu'il y avait une histoire comme ça. Mais, ok, oui, d'accord. Histoire de nichon. Et donc, elle s'appelle Katarzyna Lenard. Donc, elle est polonaise. Et donc, dans une vidéo de 40 secondes qu'elle a mise sur YouTube, donc elle est sur une chaise, habillée en chemise blanche, cravate, pantalon noir. Et donc, elle commence à se dessaper au son d'une musique relativement kitsch, hein, faut le dire. Et donc, lorsqu'elle enlève son soutien-gorge, il y a une inscription qui arrive marquée censurée. C'est ce qui apparaît à l'écran, suivi de tu veux plus, vote pour le SLD. Oh, mais enfin, n'importe quoi. Moi, je vote. Hein. Bah oui, forcément. Mais en France, c'était il y a 5 ans, ils avaient fait le parti de l'amour. Oh, génial. Oh. Ouais. Bah, c'était que des meufs à poil qui tractaient. Ah, parfait. Ouais, c'est une idée comme une autre. Hein. Pourquoi pas. Bon, tiens, il y a un message qui est arrivé. Je vous souhaite un bon week-end à vous, surtout à toi, Julie. Et ne change pas, reste bien comme tu es. Ton rire me donne trop de bonne humeur pour la journée. C'est Sébastien, 35 ans, de Liège. Ah, c'est trop mignon. Parce que tu l'entends rire de temps en temps. Ah, bah, dis, attends, ça va, je fais que rigoler. Moi, je suis le soleil de la journée des auditeurs. Ah, ouais. Ah, ouais, et donc ouais, en tout cas, j'essaye de rester avec mon sourire, ce qui est très difficile, accompagné de deux. Tu vois qu'elle est désagréable. Nous qui ne sommes que l'amour, la journée, ouais. C'est la sympathie. En oui, enfin, de loin et dans le noir. Hein. Mais ouais, c'est ça. Ouais, mais c'est merci, ça. Merci à toi, Seb. Moi, t'as je raison, t'embrasse très fort. T'as raison. Dans un instant, Maroon 5 avec Christina Aguilera, Moves Like Jagger. Et puis, évidemment, l'horoscope est le dernier. Fun Radio. L'horoscope. Allez, Doudou, on fait l'horoscope? Bien sûr, alors je suis là, il n'y a pas de problème. Je suis là. Bon, écoutez, tant mieux alors. Hein. On va faire les béliers. On va démarrer avec les béliers. C'est le dernier là, de la semaine, après vous êtes en week-end. Ah oui, c'est bien, ça c'est la bonne nouvelle. Ben, c'est ça. Allez, c'est parti. Alors, malheureusement, tout le monde ne veut pas que votre choix bien. Bah oui, ça c'est vrai, surtout Julie qui est en première. Elle, ouais. Vous avez vu, elle vient de me dire encore. Surtout s'il m'enlève de sort qu'il m'avait jeté au début de la saison. Mais je n'ai rien fait, moi, je ne fais pas ça. Non, mais à Doudou, oui, mais à moi, parce que c'est moi, Bélier, pas Doudou, il n'est pas Bélier, lui. Ah oui, d'accord, okay. Bah, c'est ça. Ah bon. Oui, que moi je fais du mal, oui. Voilà. Je comprends rien à vos histoires. Bon, c'est pas grave. On va régler ça en antenne. Les taureaux. Alors, les taureaux. Eh oui, dis donc. Vous voulez avancer, puis vous vous arrêtez. Excusez-moi, j'ai eu un petit avalage là de salive qui s'est mal fait. Il y a des chats qui traînent dans les gorges. Hein, oui, faites attention. Alors, même si vous avez du mal à le faire, il faut que vous vous imposiez face à vos collègues. Les Gémeaux. Avant de prendre des décisions, accordez-vous du repos pour ne pas mettre votre réussite en danger. Les Cancers. Un ouragan n'est rien à côté de vous. Hein, d'où vous puisez toute cette énergie? Les Lions. Profitez de votre temps libre et de ce week-end et offrez pour vous. Pardon, je sais plus ce que c'est. C'est pas facile. Hein. C'est dernier, vous arrivez à rater. Profitez de votre temps libre et de votre week-end et offrez-vous une récompense pour votre labeur de la semaine. D'accord, ok. Bon, alors du coup, maintenant, on en est où? On est au Lion. On est à Vierge, c'est ça. Oui, alors tout va bien. Voilà, mais faites attention à vos finances quand même, hein, ça a besoin d'attention. D'accord, vous n'êtes pas foulé non plus sur celui-là. Hein. Balances. Bah, en même temps, ils ont des problèmes d'argent, j'y peux rien, moi. C'est vrai. Les Balances. Alors, les Balances, veillez à ce que votre générosité, votre serviabilité ne soient pas trop exploitées. Les Scorpions. Si possible, restez au lit et établissez-vous tranquillement. Très bien. Les Sagittaires. Vous devez prêter attention à votre santé. D'accord. Les Capricornes. Faites encore preuve de patience et sachez apprécier vos relations d'amitié. D'accord. Et enfin, c'est l'avant-dernier, c'est les Verseaux. Aujourd'hui, vos adversaires n'ont aucune chance face à vous. Très bien, les Poissons. Faites la grasse matinée, prenez un petit déjeuner copieux et allez faire une balade en forêt, ça vous fera le plus grand bien. Mais oui, mais très certainement. Bon ben voilà, merci Doudou, et passez un bon week-end. Ah oui, là je vais me coucher. Bah j'imagine bien. Dans un instant, on parlera d'un nouveau rappeur qui déchire tout, un nouveau rappeur belge. Ah, on lui promet une belle carrière. Ah, une très grande carrière, ça va être du très très lourd ça. On en parle dans un petit instant et puis on va également appeler quelqu'un qui a la bonne réponse à la petite devinette qui colle de ce matin, là, le dernier écran plat qu'on va filer aujourd'hui. Comment appelle-t-on un pou sur un chauve? La bonne réponse au 63-22. Bonne chance tout le monde, 9h19 sur Fun Radio. On écoute Maroon 5 maintenant avec Christina Aguilera, c'est Moves Like Jagger. Les Maroon 5 sur Fun Radio avec Christina Aguilera, c'était Moves Like Jagger. Et attention, ce matin, j'ai du lourd, du très, très, mais alors très lourd. Un nouveau rappeur belge qui fait son entrée sur la scène du rap belge. Forcément, ça tombe sous le sens. Et écoutez les présentations. La famille MC Momo Coco est dans la place. Et oui, c'est donc MC Momo Croco. Hein. Alors si ça, c'est pas du blaze, sincèrement... Ah mais Booba peut aller se rhabiller hein. Ah ben je te le confirme, effectivement. Donc faut savoir aussi que c'est un mec qui a eu une vie difficile dans un quartier qui était quand même relativement sensible. Ma zone c'est Waterloo, zou. Là-bas il y a le meilleur resto d'ado, c'est le Croco. Tout le monde s'achète des pâtes et des sandwichs au Nutella. Ouais, donc c'est, il a vécu à Waterloo, très dur. Ah ouais, ouais. La vie, on sent il mangeait des... Oui. Non, mais ça sent que le mec il sort du Tieka. Bien sûr, que là-bas, bien sûr. Il a eu la vie trop dure, quoi. Non, mais bien sûr. Et sandwich au Nutella, c'est dur quand même. Mais oui, et c'est cette vie hardcore qui a donné l'envie à MC Momo Croco de devenir un rappeur engagé avec des textes profonds. Le monde existe avec des clashs. On peut lire dans les infos la violence, on doit l'interdire. Ah oui? Ah oui, non, on doit l'interdire. La violence, on doit l'interdire. C'est violent, c'est très, très violent. Effectivement, c'est beau. Ouais, non, là, ça donne à réfléchir. C'est, ah oui. L'avenir du monde est entre ses mains. Non, franchement, il est trop puissant, ce rappeur. Et attends, t'as pas encore entendu ces punchlines. Alors, oublie Booba, Aurel San et les autres. Hein. Alors là, c'est du très très lourd. Le matin dans mon monde, j'ai l'écho. Je suis affamé de manger des noix de coco. Ah oui, il va manger des noix de coco et tout, ça c'est bien. Hein. Oui, ça c'est dur quand même, être obligé de manger des noix de coco, c'est assez difficile. Je crois que je n'ai plus de mots. Oui, ne sais que dire à ce rappeur. Eh bah tu fais bien, hein, parce que sinon... Si vous me pêchez, je mettrai mes doigts de velours dans votre nez. Si vous ne respectez pas mon style, je vous killerai tous avec du style. Bla, bla. Là. Voilà, donc faites gaffe, attention, il peut être agressif. Les doigts dans le nez, c'est quand même violent. Ah oui, les doigts dans le nez, c'est violent. Il n'a peur de rien, ce petit. Voilà, c'est donc... sûr que moi, j'oserais jamais clasher un mec comme lui, quoi. Ah non, ça c'est sûr. Franchement, Fla. Retenez bien son nom quand même, hein. MC Momo Croco. Encore une découverte Fun Radio. Attends, et je sais qu'on n'est pas peu fiers. Future grande star. Ah bah on n'est pas peu fiers, moi je vous le dis. Ça c'est numéro 1 dans 6 mois. Hein. Ah bah je te confirme. Toutes les radios vont se l'arracher. Bon, j'irai peut-être pas jusque là non plus, mais. Mais enfin, Mickaël. Bon, d'accord, ok, très bien, ça n'engage que vous. Allez, on va prendre maintenant le ou la gagnante là pour la petite devinette qui colle de ce matin. Dans bien un instant. Mais bien sûr, dans un instant, il y aura Lucas aussi pour la dernière du self. Cette semaine, c'est jusqu'à 13h. Ensuite, il y aura Jasmine à partir de 13h pour Pure Dance Floor jusqu'à 17h. Et le retour d'Evan, bien sûr, et toute la tribu qui sera là jusqu'à 20h. Et puis, bien sûr, Keep It Real ce soir, puisque c'est vendredi, avec Vince notamment, évidemment, et tous ses DJ à partir de 20h jusqu'à minuit. Et l'Invasion Latina, ensuite Party Fun, bref. Que du beau monde. Soirée tough ce soir sur Fun Radio. Et on y va, c'est parti. On appelle maintenant quelqu'un. Enfin, on l'a déjà au téléphone. C'est comment bon, s'appelle-t-il? On ne sait pas. On ne sait pas. Bon, comment c'est tu t'appelles? Surprise. Bah, bonjour. Bonjour. Bonjour, comment bonjour, tu t'appelles? Steve. Steve, salut Steve. C'est Mickaël. T'es donc sur Fun Radio. Et on t'appelle parce que tu as probablement, en tout cas, bien répondu à la devinette qui colle que je vais répéter. Comment appelle-t-on un pou sur un chauve? Un SDF. Eh oui, un sans-abri, un SDF, effectivement. C'est une bonne réponse, bravo à toi. Tu repars donc avec les cadeaux. Tu vas gérer ça au standard, tu vas choisir parmi les cadeaux que j'ai proposés tout à l'heure. Voilà. Tu fais quoi dans la vie, dis-moi? Je suis soudeur. Soudeur, et tu travailles là actuellement? Non, je viens de revenir. Ah, tu viens de revenir, d'accord, ok. Tu en fabriques beaucoup, des sous? C'est drôle, cette offre. Quelle belle vanne. Très, très drôle. Je vous remercie. Très belle vanne. Il est grand temps qu'il allait rejoindre son lit. Ah ouais, ouais, grand temps. Je pense aussi. Bon, bah en tout cas, bravo à toi. Tu repars avec les cadeaux. Tu retournes au standard. On prend tes coordonnées. Et puis on te souhaite un bon week-end. Ok, merci à vous aussi. Salut. Bonne journée, à bientôt. Et puis nous on va se quitter ici. Et je vous rappelle qu'on se retrouve demain matin à partir de 11h à Braine-le-Comte au paintball. C'est chemin de Feluy au numéro 27 à Braine-le-Comte si vous voulez venir. Tu es fou de donner l'adresse, mais l'émeute qui nous attend. Mais non, t'inquiète pas. Mais on va. Ça sera bien encadré. Mais oui, mais bien sûr, on sera. Sécurité. De toute façon, on sera armé, donc il n'y a pas de problème. Avec le paintball. Voilà, on va affronter l'équipe de la Libre Antenne du soir. Le matin contre le soir, et on a besoin de vous, bien sûr, pour gagner face à l'équipe du soir. Non pas qu'ils soient forts, hein, c'est pas ça le problème. C'est juste que voilà, un petit coup de main n'est jamais de refus. Si vous voulez qu'on les atomise, matin, ils vont pas comprendre ce qui leur arrive. Mais 11h, si. C'est beaucoup trop tôt pour eux. Mais non, si vous voulez qu'on les atomise, l'équipe du soir, l'équipe de la Libre Antenne de Vince, un habile pour lui claquer sa grande gueule. Ouais, il est temps de le remettre à sa place. Tu vas voir ça. Tu vas voir. Voilà, si vous voulez venir, donc, vous pouvez encore vous inscrire pour gagner vos places. 6322 code BLC comme Braine le Comte avec vos coordonnées complètes. Et puis les autres, ça vous empêche pas de passer, bien sûr. Chemin de Feluy, c'est numéro 27. C'est à Braine-le-Comte demain. Open Ball, on vous attend dès 11h. Et Top va aller dormir jusqu'à 11h demain. Je pense. Voilà, je pense que là, c'est plié. Là. J'ai pas le choix. Bah ouais, je crois. Et on va se quitter avec un excellent son, tiens. Un de mes préférés pour l'instant, Jay-Z, Kanye West et Mr. Hudson. C'est Why I Love You. C'était bien, une petite chanson comme ça de paix, d'amour et d'amitié. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Mickaël. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Allez, rendez-vous jamais, puisque je gagne à l'Eurobillion ce soir, et ça, c'est beau. Il y a un message qui dit vous allez. Enfin, je vais pouvoir prendre le pouvoir, alors si tu ne reviens pas. Vous allez vous faire niquer, vive Vince. Mais il est mort d'avance. Il est mort d'avance. Ouais, c'est clair, je compte sur vous, les gars. Mais bien sûr, mais bien sûr, bien sûr. Avec Toff et sa carrure impressionnante. Oui, c'est ça qui me fait peur. Je suis un athlète. C'est ça qui me fait peur, effectivement. Bon, enfin bon. Allez, bonne journée tout le monde. Et Jay-Z, on se quitte maintenant avec Kanye West, Jay-Z et Mr. Hudson. Why I Love You. Bon week-end. N'oubliez pas le replay samedi et dimanche. Et on se retrouve en direct lundi dès 6h. Ciao. Il vous manque déjà. Mais c'est un cauchemar. Pas de panique. Mickaël à la radio revient demain dès 6h. Préparez votre réveil. Fun Radio.